Nous saluons encore une fois ce soir chaque frère, chaque sœur avec joie dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons tena mangaribi aleo kila nduku na kila dada mujina Bwana Yesu Kristo. Nous saluons également tous nos frères, toutes nos sœurs qui nous suivent à travers l'internet. Tunasalimia pia nduku na badada banatufuata kunjia ya simu ya internet. Nous les saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tunawasalimia bote mujina ya Bwana Mwokozi Yesu Kristo. Nous nous mettons debout. Tutasimama bwima. Nous ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 3. Tutafungula ma Biblia yetu mumwanjo sura ya 3. Verset 22. Mustari ya 22. L'Éternel Dieu dit. Wa milele Mungu akasema. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Tazama mutu anakuwa sawa mumoja wetu. Pour la connaissance du bien et du mal. Mukujua bizuri na bibaya. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main. Tumuzuize basi asichofeshe mkono yake. De prendre de l'arbre de vie. Na shikule kumuti ya buzima. D'en manger. Na sikuleko. Et de vivre éternellement. Na ashishi milele. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Na wa milele Mungu akamfukuza toka bustani ya Edeni. Pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Ili apate kulima bulongo mule bari mchugua. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Ni mwina muna alifukuza Adamu. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante. Na akaweka kumagaribi ya Edeni wa kerubi wale walikuwa natigiza mpanga ya moto. Pour garder le chemin de l'arbre de vie. Dieu a kuchunga njia ya muti ya buzima. Apocalypse chapitre 3. Ufunuo sura ya 3. Verset 20. Mustari ya 22. Voici je me tiens à la porte. Tazama mina simama pa mulango. Et je frappe. Nani kuna pika oti. Si quelqu'un entend ma voix. Kama mtu akisikia sauti yangu. Et ouvre la porte. Na akifungula mulango. J'entrerai chez lui. Taingia kwake. Je souperai avec lui. Takula pamoja naye. Et lui avec moi. Naye pamoja nami. C'est lui qui vaincra. Ulatashinda. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Tamuikarisha pamoja nami pakiti yangu ya enzi. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon père sur son trône. Paka vile mimi narishinda na kuikala na baba yangu pakiti yake ya enzi. Que celui qui a des oreilles. Mwenye kwa na masikio. Entende ce que l'esprit dit aux églises. Asikie kile roho anasema kwa makanisa. Psaume chapitre 65. Zaburi 65. Verset 5. Mustari ya 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence na ule weye unakubali muwepo wako, pour qu'il habite dans tes parvis. Ili apate kukaa mwa mabiwanza yako. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, tutashiba na heri ya nyumba yako, de la sainteté de ton temple na utakatifu ya hekalu yako. Que Dieu ajoute bénédiction à l'écoute de ses paroles. Mungu aongeze baraka kusomi wa neno lake. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Alléluia. Yeah. Maranatha. Maranatha. Alléluia. Maranatha. Alléluia. Maranatha. Notre Dieu et notre Père, Mungu etu na baba yetu, avec nos mains levées, na mikono yetu enye kunyanyula, nous sommes dans ta présence. Tuko muwepo wako. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Unatujua mzuri kutushindia. Nous n'avons pas un autre Dieu. Hatuna na Mungu mwenyewe. Aki nous pouvons nous confier. Ule tunapashi tumainia. Si ce n'est qu'en toi. Isipokuwa weye. C'est pourquoi Seigneur ce soir. Rukomana Bwana mangaribia leo. Nous sommes dans ta présence. Tuko muwepo wako. Etant dans ta présence, oh Dieu. Benye kwa muwepo wako Mungu. Nous avons besoin de la vie. Tunahitaji busiba. Etant dans ta présence, Seigneur. Benye kwa muwepo wako Bwana. Nous avons besoin de la délivrance. Tunahitaji ukombozi. Nous avons besoin du salut. Tunahitaji wokovu. Nous avons besoin du pardon. Tunahitaji usamaha. Nous avons besoin de bénédiction. Tunahitaji baraka. Nous avons besoin de guérison. Tunahitaji utukufu. Nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit. Tunahitaji ubatizo wa Roho Mtakatifu. Oh Dieu. Oui, fanye Bwana. Accorde à chaque frère. Upatie kila nduku. Accorde à chaque sœur. Upatie kila dada. Selon les désirs de son cœur. Ufatana na kutaka kwa moyo wake. Et toutes les requêtes. Mahitaji yote. Pour lequel. Inyewe. Chaque frère, chaque sœur a prié. Kila nduku na kila dada liomba. Toi, Dieu. We Mungu wetu. Tu n'es pas un Dieu problème. Hauna Mungu mambo. Tu es le Dieu solution. Alakini uko Mungu jibu. Tu es le Dieu solution. Sababu uko Mungu jibu. Accorde la solution à chaque problème. Upatie jibu kwa mahitaji yote. Merci Seigneur. Asante Bwana. Nous te recommandons le culte ce soir. Tunakuacha ibada ya magharibi. Nous venons auprès de toi et nous avions lu les écritures de ta part. Tunakuja mbele yako na tunasoma maandiko kwa upande wako. Par ton esprit, kupitia roho yako, vivifie ces paroles. Ulete mushima kwa neno. Afin que la porte la vie. Ili ipate kuleta bei. Afin que la porte la paix. Ilete salama. Afin que la porte la délivrance. Ili ilete ukombozi. Afin que la porte tout ce dont nous avons besoin. Ilete ile yote tunahitaji. Sois avec nous. Uwe nasi. Du début jusqu'à la fin. Mwanzo na mwisho. Que le tout se fasse pour la gloire de ton nom. Yote fanike juu tukufa jina lako. Et pour notre joie. Na juu ya furaha yetu. Au nom précieux. Mujina damani. De notre Seigneur et Sauveur Jésus. Ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amina. Oui mes frères, oui mes sœurs. Dieu vanduku na badada. Jésus revient bientôt. Yesu kunarudia sasa hivi. En lisant Genèse chapitre 3, mkusoma mwanzo sura 3. Là nous voyons que Adam et Ève, tunaona ya kwamba Adam na Eva furent chassés de la présence de Dieu. Bariba fukuza muwepo wa Mungu. Furent chassés du jardin d'Eden. Bariba fukuza mushamba la Edeni. Et Dieu a même mis des kérubins avec des épées flamboyantes. Na Mungu aliweka bakelubi na mpanga ya moto. Pour empêcher. Dieu a kuzuiza. Que l'homme ne retourne pas. Mutu ashirudie. Pour vivre dans la présence de Dieu. Yendele kuishi tena mwepo wa Mungu. Tout en étant pécheur. Mwenye kuwa mtenda zambi. Dieu les a empêchés. Mungu alibazuiza. Mais quand nous lisons Apocalypse chapitre 3. Wakati tunasoma Ufunuo sura 3. Là nous voyons que c'est en rapport avec l'âge de l'Odyssée. Mule tunaona kama inambatana na kizazi ya Laodikia. Nous voyons que tunaona ya kwamba Jésus-Christ. Yesu Kristo. Il est en dehors. Eko inje. Il est à l'extérieur. Eko inje. Il n'est pas dans l'église. Anna ndani ya kanisa. Il est à l'extérieur. Eko inje. Donc deux choses totalement différentes. Manake ni vitu mbili vyenye kuachana kabisa. Et Apocalypse chapitre 3, ça nous concerne. Na Ufunuo sura 3 inatuangalia sisi. Donc il y a des gens huku bantu qui parlent de Jésus. Benye kusema yulu ya Yesu. Mais que Jésus n'est pas avec eux. Lakini Yesu ana nabo. Il y a des gens peut-être qui chantent pour Jésus. Lakini kuku bantu biko na mwimbia Yesu. Mais peut-être Jésus n'est pas en eux. Na zingine Yesu ana ndani yabo. C'est vraiment ça l'image. Injo picha. Oui. Ndio. Ainsi, nous continuons à parler sur la ramener la présence de Dieu. Ili tunaendelea kusema yulu ya shina ya mahubiri kumrudisha. Jésus revient bientôt. Yesu yuko narudia sasa hivi. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez que le retour de Jésus est imminent? Tout le signe montre que réellement Jésus est à la porte. Inaonesha kwamba kweli kweli Yesu yuko kumlango. Nos consciences doivent toujours être réveillées. Zamiri yetu napashu kila mara yenye kuamuka. Jésus à son retour. Yesu mukurudia kwake. Il ne prendra que l'église. Atabeba paka kanisa qui vit dans sa présence. Yenye kuishi muwepo wake. Je répète. Naisema tena. Jésus Christ. À son retour. Wakati atarudia. Il ne prendra que l'église. Atabeba paka kanisa qui vit dans sa présence. Ile kunaishi muwepo wake. Unamu nengina kusema. Il ne prendra que des frères et sœurs. Atabeba paka banduku na badada qui vivent dans la présence de Dieu. Baleve kunaishi muwepo wepo wa Mungu. Si Enoch, kama Enoka avait été enlevé, bari munyanyulaka, c'est parce que il vivait dans la présence de Dieu. Ni kwani alikuwa naishi muwepo wa Mungu. Il avait un témoignage agréable. Alikuwa na ushuhuda ya kupendezwa. Lisons d'abord cela. Tuisome kwanza. Genèse chapitre 5. Mwanzo sura yake ya 5. Genèse chapitre 5. Mwanzo sura yake 5. Verset 21. Musala 21. Enoch âgé de 65 ans. Enoch na umuri ya miaka 65 engendra Methuselah. Alizala Methuselah. Enoch après la naissance de Methuselah, kisha kuzala Methuselah, marcha avec Dieu. Alitembeaka na Mungu 300 ans. Miaka 300. Enoch, après la naissance de Methuselah, kisha kuzaliwa kwa Methuselah, marcha avec Dieu 300 ans. Alitembeaka pamoja na Mungu miaka 300. Et il engendra des fils et des filles. Na alizala tena watoto banaume na banamuke. Il vivait comme nous vivons. Alikuwa naishi pake vitu kunaishi. Il vivait comme nous vivons. Alikuwa naishi pake vitu kunaishi. Mais il a marché 300 ans avec Dieu. Lakini alitembea miaka 300 na Mungu. Tous les jours de Enoch. Masiku yote ya Enoch. Furent de 365 ans. Ilikuwa ya miaka 300 na 65. Enoch marcha avec Dieu. Enoki alitembea na Mungu. Oui, il ne fut plus. Kisha sikonekane tena. Parce que Dieu le prit. Kwani Mungu alimnyanyuaka. Toi et moi. Wewe na mimi. Imaginez-vous un peu cet homme. Mufikiri kwanza huyu mtu. Pendant 300 ans. Miaka 300. Il avait 365 ans. Alikuwa na miaka 300 na 65. Donc 65 ans. Manake miaka 65. Il a marché sans Dieu. Alitembeaka bila Mungu. Mais 300 ans. Sasa ile miaka 300. Il a marché avec Dieu. Jo ile alitembea na Mungu. Et pendant les 300 ans. Ile miaka 300. Enoch avait un témoignage qui était agréable à Dieu. Enoch alikuwa na ushuhuda paka ya kumpendeza Mungu. Même en se mariant, même en vivant, tout ce qu'il était en train de faire comme homme, comme il marchait avec Dieu pendant les 300 ans, Enoch avait un témoignage agréable à Dieu. Et comme il avait un témoignage agréable, c'est pourquoi il fut enlevé. Toi et moi, nous serons aussi enlevés. Si nous avons un témoignage agréable devant Dieu. Kama tukuna ushuhuda ya kupendeza Mungu. Et ce témoignage agréable. Na ile ushuhuda ya kupendeza Mungu. Nous ne pouvons l'avoir que si nous vivons en permanence dans la présence de Dieu. Tunapashi kuwa nayo ni paka kama tukunaishi muwepo wa Mungu wa kila wakati. Amen. Amina. Si vous vous détachez de la présence de Dieu, kama ukitoka muwepo wa Mungu, vous n'aurez pas un témoignage agréable. Hawezi kuwa na ushuhuda wa kupendeza Mungu. Na vitu vingi vikulalamika. Beaucoup de choses se détériorent. Watu wengi hawana ushuhuda mzuri. Beaucoup de sœurs n'ont pas de bons témoignages. Beaucoup de frères n'ont pas de bons témoignages. C'est parce que nous ne nous maintenons pas dans la présence de Dieu. Ni Dieu a tout vakirie muwepo wa Mungu. Amen. Amen. Et le diable fera tout. Na shetani atafanya yote iwezekanapo. Pour que tu ne puisses pas rester dans la présence de Dieu. Dieu ushibakirie muwepo wa Mungu. Le diable peut te donner tout. Shetani anaweza kupatia biote. Pour que tu ne puisses pas demeurer dans la présence de Dieu. Dieu ushiendelee kubakia muwepo wa Mungu. La présence de Dieu c'est ça notre richesse. Muwepo wa Mungu ndio mali yetu. Un enfant de Dieu sans présence de Dieu, il est mort. Mtoto wa Mungu bila uwepo wa Mungu ni mwenye kufa. Un enfant de Dieu sans présence de Dieu, il n'est pas différent des autres. Mtoto wa Mungu bila uwepo wa Mungu achakata na bote. Les autres fuient. Utakimbia vile wengine wao nakimbia. Différent ce que les autres font. Utafanya vile wengine wao nafanya. Hébreux. Wa Ebrania. Hébreux chapitre 10. Wa Ebrania sura yake ya 10. Hébreux chapitre 11 plutôt. Wa Ebrania sura 11. Église, est-ce que vous êtes là? Et kanisa munafuata? Hébreux chapitre 11. Wa Ebrania sura 11. Verset 5. Mustari ya 5. C'est par la foi ni kwa imani qu'Enoch fut enlevé. Ndio pale Enoch alinyanyuliwa. Pour qu'il ne voit point la mort. Dieu ashipate tena kufa. Il ne parut plus. Ashikonekane tena. Parce que Dieu l'avait enlevé. Dieu Mungu alimunyanyula. Car. Kwani? Avant son enlèvement. Bele ya ye kunyanyuliwa. Avant son enlèvement. Bele ya ye kunyanyuliwa. Avant ton enlèvement. Bele ya we kunyanyuliwa. Tu dois recevoir. Unapashi kupokea. Le témoignage. Ushuda. Que tu es agréable à Dieu. Ya kwamba weye unampendeza Mungu. Avant ton enlèvement. Bele ya we kunyanyuliwa. Avant que l'église soit enlevée. Bele ya kanisa unyanyuliwa. Avant que tu sois enlevé mon frère. Bele ya we kunyanyuliwa ndugu. Avant que tu sois enlevé ma soeur. Bele ya we kunyanyuliwa dada. Tu dois avoir le témoignage. Kwa na ushuda. Que tu es agréable à Dieu. Ya kwamba unampendeza Mungu. Enoch c'est notre type. Enoch ndio mfano yetu, picha yetu. Ce témoignage agréable. I ushuda ya kupendeza Mungu. N'est possible que si ikunawezekana ni paka kama si nunu menteno kama tunaendelea kubakiria si nunu menteno dans la présence de Dieu tunaendelea kubakiria muwepo wa Mungu en tant que des élus de Dieu sawa bateule ya Mungu aujourd'hui mes frères et sœurs leo banduku na badada si nous ne sommes pas agréables à Dieu kama tumpendeze Mungu c'est parce que nous ne nous maintenons pas ni Dieu atubakirie dans la présence de Dieu muwepo wa Mungu et de ce fait Dieu ya ile de ce fait, si nous ne nous maintenons pas dans la présence de Dieu, notre esprit d'adoption ne sera pas nourri. Roho yetu ya kukubaliwa sawa maana haitakuwako. Et quand nous ne sommes pas nourris, wakati ile atulishwe, nous mourrons. Tutakufa. Quand nous ne sommes pas nourris, wakati abatulishe, nous mourrons. Tutakufa. Tu auras la forme. Utakuwa na hali ya kuonekana. Mais tu n'as pas ce qui en fait la force. Alakini hauna na kile kia kuleta nguvu. Aujourd'hui nous avons des croyants qui ont la forme de la piété. Leo tuku na waaminifu venye kuwa na kuonekana kwa kutawa. Mais ils n'ont pas ce qui fait deux enfants de Dieu. Alakini hauna na kile kia kubafanya kwa si katoto ya Mungu. Si nous ne nous maintenons pas, je répète mes frères. Mina isema tena banduku na badada. Même ce que Dieu peut te donner. Ata ile Mungu anaweza si kukupatia. Si tu veux bien le garder. Kama unapenda kuchunga Mungu. Garde ça dans la présence de Dieu. Oui, chunge muwepo wa Mungu. Est-ce que vous comprenez? Eti munaelewa. Même la guérison. Hata utunzo. Si Dieu te guérit. Kama Mungu anakutunza. Garde cette guérison dans la présence de Dieu. Uchunge ile utunzo muwepo si wa Mungu. Si Dieu te bénit. Kama Mungu anakubariki. Garde cette bénédiction dans la présence de Dieu. Chunga ile baraka muwepo si wa Mungu. Si Dieu te donne le zèle. Kama Mungu anakupatia bidii. Garde ce zèle là dans la présence de Dieu. Uchunge ile bidii muwepo si wa Mungu. Si vous vous éloignez. Kama ukienda mbali na ile. Bidi itaenda. Si vous vous éloignez, même la guérison partira. Hata utunzo itaenda. Église, est-ce que vous êtes là? Neti kanisa munafuata? Écoutons. Tusikilize. Dans la prédication. Mumahubiri. Soif. Kiu. Soif. Kiu. Page 31. Kartasi makumi tatu na moja. Paragraphe 177. Nukta 177. Par vos désirs. Kupitia mania yenu, matama yenu. Vous pouvez dire qui est sur le trône de votre cœur. Munawezi kusema ni nani anekala pakiti ya enzi ya moyo wako. Parce que kwani par ce que vous aimez, kupitia kile unapenda, vous le montrez. Utakionesha. Non, parce que vous aimez, ah, kupitia kile unapenda, vous montrez celui qui est sur le trône de votre cœur. Ah, huko naonesha ule ko pakiti ya enzi ya moyo wako. Vous vous dites eh bien, Mungu nasema mzuri. Je pense que nawazia les choses sont en ordre pour Branham. Pardon? Vous vous dites, Mungu nasema, eh bien, mzuri. Je pense que ces choses sont en ordre pour Branham. Nawazia hivi vitu ndiko usawa ndiko Branham. Eh bien, rappelez-vous juste maintenant que kumbukeni ya kwamba vous savez ce qui est dans votre cœur. Unajua kenye kwa moyo wako. Certainement. Hakika unakijua. Vous savez ce qui est dans votre cœur. Unajua kile kiko mu roho yako unakijua. Votre âme s'élanguit de ce que vous lui donnez à manger. Nafsi yako inafurahikia na kile uko unaipatia sawa kula. Vous pouvez voir quelle sans satisfait. Utajua inaifurahi ya kwamba inaifurahikia. Et si ce n'est pas cette parole, kama aina hii neno, alors il y a quelque chose de faux. Manake Mungu kitu kia bongo kingine. Yoyote ule eko mwenye kokolewa. Tu celui qui est. Yoyote ule nafsi yake ni yenye kokolewa. Tu celui pour qui son âme est sauvée. Nafsi yake itakuwa iko na ugua. Soname. Na kiu ya sauti ya Mungu. Vera langisa. Kama aina vile nikusema, ndani yako ya quelque chose de faux. Manake ndani yako mu kitu kia bongo. Je veux que minapenda ya kwamba vous compreniez un autre grand danger. Mupate kuelewa hatari ingine. Juste avant que nous finissions. Mbele ya sisi kumaliza. Si vous ne vous sentez coupable. Kama haujisikia kwamba unahukumiwa. D'aucune de ces choses que j'ai mentionnées. Na kitu hata kimoja kuhibi mimi nasema. C'est là le danger de négliger une soif. Ile njoo hatari ya kusula kiu. Voyez, munaona, vous dites, munasema, j'ai une soif sainte, niko na kiu takatifu, je ne suis pas coupable, mishi hukumiwa na kitu, ndugu Branama, je me joins à une église, ni unajiunga ku kanisa fulani, mais vous voyez, lakini munaona, si vous négligez, kama ukisula, de satisfaire une soif d'eau, kufurahisha ile kiu kizuri, soif, kiu. Si vous négligez de satisfaire une soif d'eau. Ah, kama ukisula kufurahisha kiu ya maji. Une faim de nourriture. Njaa ya chakula. Vous mourrez. Utakufa. Vous mourrez. Utakufa. Si vous négligez cette soif de Dieu en vous. Kama ukisula ile kiu ya Mungu ndani yako. Vous mourrez spirituellement. Utakufa mukiro. Amen. Amina. Bantu ngapi bwe kunakufa leo? Combien de gens meurent aujourd'hui? Combien de gens aujourd'hui sont des cadavres qui marchent? Bantunga pileo ni bitumba tu viku natembea. Si vous négligez cette soif de Dieu, kama ukisula hii kiu ya Mungu, en vous, ndani yako, vous mourrez spirituellement. Utakufa mukiro. Amen. Amina. Alors, basi, si vous négligez, kama ukisula, de donner au Saint-Esprit la parole de Dieu, ya kumpatia Roho Mtakatifu neno la Mungu, vous mourrez, utakufa. Je ne sais pas si l'église a compris. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui n'a pas l'esprit de Dieu. Hakuna hata mtoto moyo wa Mungu asipokuwa na roho ya Mungu. Tout enfant de Dieu a l'esprit de Dieu. Mtoto wote wa Mungu yuko na roho ya Mungu. Njoo kile Biblia iko na sema. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Washipokuwa na roho ya Mungu, ana wa Mungu. C'est pas le baptême du Saint-Esprit. Ni kupitia ubatizo wa Roho Mtakatifu. C'est ce que nous recevons à la nouvelle naissance. Jo ile tu unapokea mkuzaliwa mara ya pili. Aina vile. Si vous ne nourrissez pas aussi cet esprit là. Kama urishe ile roho ile. De la parole. Na neno. Vous allez mourir. Utakufa. Hata unasema mtoto ya Mungu. Même si tu confesses que tu es enfant de Dieu, tu mourras. Utakuona unaanza kufanya vitu vyenyewe aviambatane na mtoto ya Mungu. Nous te verrons en train de faire des choses qui ne sont pas de Dieu ne t'agréera jamais. Mukubakia mwile hali Mungu hawezi kama ukubali. Et nous tombons dans cet état. Tukunanguka mwile hali. C'est parce que nous sommes privés. Ni juu tunakosewa. Et nous nous privons de la présence de Dieu. Na tunajinia uwepo wa Mungu hakika. Ni si wenyewe. Nous-mêmes. ce n'est pas Dieu qui t'empêche. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui refusons. Lorsque nous les refusons, c'est un danger pour ton âme. Ni atari kunafsi yako. Je ne sais pas si vous comprenez mes frères. Monsieur, comment mon aile ou avant de dire non? Ikuwazi, aina file. Mes frères, c'est clair. Madame Dango, ikuwazi. Mon aile, ma frère, madame d'abote. Dites à toutes les sœurs et tous les frères. Benyewe, beko na jizuisha. Ceux-là qui se privent. Ya kuya kushika sauti ya Mungu. De venir écouter la parole de beko Dieu. Beko na kufwa. Il meurt. Beko na kufwa. Ils sont en train de mourir. Et c'est pourquoi on a des difficultés. Joko mara tuku na magumu. C'est pourquoi on a des difficultés et c'est pourquoi Dieu aussi ne se manifeste pas. Joko mana Mungu na yashionekane. Écoutez-moi mes frères. Musikie bantuku yangu. Tout en lisant une écriture de la parole. Mukusoma andiko ya neno. Psaume chapitre 1. Zaburi sura yake ya kwanza. Est-ce que vous avez d'abord saisi ce qu'on a lu? Eti kwanza munashika nye tunasoma. Si vous négligez de donner au Saint-Esprit kama la parole de Dieu, kama mukisula kumpatia Roho Mtakatifu neno la Mungu, vous mourrez. Mukuna kufa. Vous les chrétiens, mweva Kristo, les baptistes, ba baptiste, les méthodistes, ba missioni, les presbytériens, ba presbytériens, les pentecôtistes, ba mpente, les assemblées de Dieu, na ba assemblées de les Dieu, unités, ba umoja, les unités, ba uwili, les trinités, ba miungu tatu, qui que vous soyez, aizuru mkwe banani, cela m'importe peu. Ile kwangu haina na mafaa. Cela m'importe peu. Haina na mafaa kwangu. Vous voyez. Munaona. Vous êtes un individu. Muku tu mutu moja. Vous êtes une unité. Muku tu mmoja. Vous n'irez jamais au ciel en tant qu'église. Mwezi kwenda kukaa kumbi. Vous n'irez jamais au ciel en tant que dénomination. Mwezi kwenda kumbi. Vous irez au ciel en tant que personne individuelle. Lakini utenda kumbingu sawa mutu binafsi. Unaisha tu. C'est tout. Kunaisha. Vous n'irez pas au ciel. Autenda kumbi. En tant qu'église. Sawa kanisa mzima. Vous n'irez pas au ciel. Autenda kumbi. En tant que dénomination. Sawa zebu. Vous irez au ciel. Lakini utenda kumbi. En tant que personne individuelle. Mutu binafsi. C'est entre vous et Dieu. Ni katikati yako wewe na Mungu. Njo kwa maana. Nami ni mambo yangu mimi moyo. Comme c'est entre moi et Dieu. Je dois maintenir. La présence de Dieu dans ma vie. Uchunga uwepo wa Mungu. Mungu mu maisha yangu. Je ne la maintiens pas. Kama nishichunge uwepo wa Mungu. Nduku na dada. Je suis perdu. Unaisha mimi napotea. Amen. Oui. Ndio. Si vous prenez encore le paragraphe 191. Ukichugue nukta 191. Ainsi, Ivi Basi, si vous négligez de nourrir le Saint-Esprit avec la parole de Dieu, kama ukisula kulisha Roho Mtakatifu na neno la Mungu, si vous négligez, kama ukisula de nourrir kulisha le Saint-Esprit avec la parole de Dieu, Roho Mtakatifu na neno la Mungu, Jésus a dit, Yesu alisema, chaque parole doit être donnée par le Saint-Esprit. Kila neno inapashi kuletwa na Roho Mtakatifu. Écoutez maintenant. Na musikie sasa. Si vous essayez de le nourrir, kama ukipima kumulisha avec la mauvaise chose, na kitu kibaya. Si vous essayez de le nourrir avec la mauvaise chose, kama ukipima kuilisha na kitu kibaya, maintenant, sasa, rappelez-vous que mukumbuke ya kwamba, la parole de Dieu, neno la Mungu, est ce dont le Saint-Esprit se nourrit. Jo inye Roho Mtakatifu anakulaka. La parole de Dieu, neno la Mungu, est ce dont le Saint-Esprit se nourrit. Jo ile Roho Mtakatifu anakulaka. Mais maintenant toi, tu es déconnecté. Sasa wewe vanesho kutukunya. Je vois ton ba Kristo ba forme. C'est pourquoi vous aurez des chrétiens ba konekana inje bule. Amen. Amina. Psaume chapitre 1. Zaburi sura ya kwanza. Heureux l'homme. Mustari ya kwanza. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Heri yake yule mtu asipo kutembea kufuatana na shauri ya watu mabaya. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Heri yake yule mtu wasifu kutembea kufuatana na shauri ya watu babaya. Heri l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Heri yake yule mtu wasifu kusimama munjia ya watenda maovu. Qu'est-ce qui va réellement t'aider à ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs? Ni nini ile takusaidia juu usisimame munjia ya watenda dhambi? Nourri de la parole de Dieu. Wakati unalishwa na neno la Mungu. Heri l'homme qui ne s'arrête pas en compagnie de mon cœur. Heri yake yule mtu asipo kuikanda pamoja na bakuchekelea. Alakini, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Alakini yeye anapata furaha yake ndani ya sheria ya Mungu. Il medite jour et nuit. Eko na isikili usiku na mchana. Il est comme un arbre. Eko sawa mutu. Planté près d'un courant d'eau. Kupandwa kando kando ya maji. Il donne son fruit en sa saison. Na yenye kuleta tunda kwa wakati wake. Et son feuillage ne se flétrit point. Na majani yake hayezi kama kauka. Mais c'est ça le secret. Ile njo siri. C'est ça le secret. Siri. Quel que soit ce que tu es, aizuru kile uko. Si tu es l'arbre qui a été planté par Dieu, kama ukumutile Mungu alipanda, tu n'es pas planté près d'un courant d'eau. Wakati ile ukupande pembeni ya maji, il n'y aura pas de fruit. Tu seras sec. Hautakuwa na matunda, utakauka. De la même manière, namna moja moja que Dieu a donné, ile Mungu alipatia trois vertus mauezo tatu à la femme takatifu kwa mwanamke. C'est de la même manière jomunamuna moja moja que Dieu a aussi donné ile Mungu alipatia tena trois vertus sacrées mauezo tatu takatifu à l'église ku kanisa. Dieu a donné trois vertus sacrées aux enfants de Dieu. Mungu alileta mauezo tatu takatifu kwa watoto ya Mungu kwa mwanamke. Dieu a donné la virginité. Mungu alimpatia bubikira. Dieu a donné la féminité. Mungu alimpatia mwanamke. Dieu a donné la maternité. Mungu alimpatia bumama. Ce sont des responsabilités sacrées. Ni mabuzito takatifu. Est-ce que vous comprenez, monsieur? Eti munaelewa badada. Ce sont des responsabilités sacrées. Ni mabuzito takatifu. Dieu a donné à la femme. Mungu alimpatia mwanamke. La virginité. Bubikira. Donc en tant que fille, binti, je défendrai ma virginité jusqu'à ce que je mourrai. Est-ce que vous comprenez? Et si en tant que femme, je défendrai ma féminité. Mwanamuke, tout celle qui est mariée, la féminité mdowa, que Dieu t'a donnée, elle n'est pas pour tous les hommes. La féminité que Dieu t'a donnée, elle est uniquement pour ton mari. Paka si tu la donnes à quelqu'un d'autre, kama ukipatia mtu mwingine, unachafua. Est-ce que l'église vous rachitia? Est-ce que kanisa vous écoutez? Dites amen. Museme amina. Même la maternité. Atabu nye bumama. La maternité que Dieu a donnée à la femme. Bumama bule Mungu alipatia mwanamke. C'est pour l'homme qui va le prendre en mariage. Ni juu ya mwanaume ule atamuoa. Parfois on a beaucoup de difficultés. Dans une tout qu'on a magumu mingi. C'est parce que Dieu le diable enlève. Ni Dieu shetani anatosha. Au lieu que la femme se comporte comme une femme à l'égard de son mari. Pari ya mwanamke ajiongoze sawa bibi mbele ya bwana. Mais vous voyez que il a tendance à vouloir se comporter comme un homme. Utaona yuko napenda ajiongoze sawa mwanaume. Et là il y a des problèmes. Pale kuna kwa mambo. À l'église, au kanisa, Dieu a donné aussi trois vertus. Mungu alileta tena mauwezo tatu. Ce sont des responsabilités sacrées. Ni mabuzito takatifu. La parole, neno la Mungu. La prière, maombi. Et le Saint-Esprit, na Roho Mtakatifu. Vitu ngapi? Combien de choses? Vitu ngapi? Combien de choses? Écoutez maintenant. Musikie sasa. Celui qui détourne, ula nenda pembeni. Son oreille, misikio yake. Pour écouter la parole de Dieu. Na kusikia neno la Mungu. La prière est une abomination. Na maombi yake nyewe ni makufuru. Utaomba Mungu atakushikia. Tu vas prier Dieu le fait. Parce que tu as détourné ton oreille. Écoutez la parole. Ulikatala. C'est ce que la Bible dit. Ndio kile Biblia nasema. Et si vous négligez, kama ukisula, de nourrir le Saint-Esprit, kulisha Roho Mtakatifu, de la parole de Dieu, na neno la Mungu, vous mourrez également. Utakufa vile vile. Dada mwana shikia. Est-ce que les sœurs vous avez entendu? Si aujourd'hui nous voyons déjà venir en paix à l'église, tu es en train de venir, on a chiamant peu qu'on a imba oumou. Vous venez, on a, est-ce que vous entendez les gens en train de prier ici? Mais on a pris Paul. Tu viens mollement. Mollement. Avec mollesse? Dès que vous arrivez là-bas, vous êtes en train de vous amuser. Vous parlez, vous riez. Donc vous sentez qu'il n'y a pas cet empressement. Cet endroit, ce n'est pas un endroit à négliger. Ifazi, il y a une phase à Kusula. Cet endroit, c'est un endroit à ne pas négliger. Ifazi, il y a une phase à Kusula. C'est un endroit de tous les endroits qui existent ici à Kambov. Cet endroit a été consacré à Dieu. Pour ma phase, il y a une phase à Kambov. L'endroit le plus meilleur à venir avec ton problème, c'est ici. Kama ukuna mambo, phase mzuri ya kambova. Kama shijibu leo, kesho atajibu. Si tu supplies à Dieu aujourd'hui, si il est dans aujourd'hui, Dieu peut consoler ton peuple. C'est ici. C'est pas pour rien. Quand David pouvait dire, David je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Parce que, un jour seulement, dans ta présence, vaut mieux que 1000 jours ailleurs. C'est une grâce. C'est une grâce. Et la grâce est grâce. Pour celui qui la reçoit comme grâce. Et cette grâce. Et réciproquer à cette grâce. Avec tous les dévouements. J'ai lu un peu quelque chose que j'ai pas prévu. Nasoma kokitu kimwa kile sikutayarishe. Écoutez. Sikilize. Dans sa prédication, mumahubiri yake, église et sa condition. Kanisa na ali yake. Si vous prenez le verset 2 et la page 2. Mukichugua kartasi ya pili. Il dit ceci. Ah, c'est ma hivi. Il dit. Ah, c'est ma. Beaucoup de gens de tous les coins du Canada. Batu mingi ba ngambo yote mu Canada. Seront à cette réunion. Batakwa kui mkusaniko. Certains d'entre eux bamoja katikati yabo feront la traversée depuis la côte ouest. Batatambu katangia kuma kwa subui. Je désire certainement que vous priez pour moi, mes amis, afin que Dieu vienne parmi nous et nous donne une grande merveilleuse réunion à sa gloire. Mina penda muniombe ili Mungu apate kuwa katikati yetu apate kuleta mkusaniko juu ya utukufu wake. Ainsi, hivi basi, ils sont très fidèles. Beko waminifu sana. Ils sont très fidèles pour aller à l'église. Nibaminifu sana juu ya kwenda kanisa. Peu importe le foi qu'il fait. Aizuri le baridi kwako. Peu importe le foi qu'il fait. Aizuri le baridi kwako. Ils s'envelopperont d'une couverture. Batavidi funika vya kudifunika. Et sur un traîneau tiré par un cheval. Na kupanda pa matempa yeyo bulula cheval. Ils parcourront une cinquantaine de kilomètres Batate pour me se rendre à l'église. Batatembea ma kilometa makumi tano juu ya kwenda kanisa. Ils traverseront à pied. Batatambuka lwa mikulu. Des amoncellements de neige. Batapita mu ma imakasa. Tout le reste là. Bile biote bile. Jeunes. Kufunga chakula. Les jeunes. Ah. Babiana. Ah, babiana. Les jeunes. Babiana. Les vieux. Bazé. Ils s'assemblent tous. Bana kusanika bote. Une famille va chercher l'autre. Jama moye tenda kutafuta jama ingine. Une famille va chercher l'autre. Jama moye tatafuta jama ingine. Et ils commencent à marcher. Bananza kutembea. C'est ainsi qu'ils se mettent en route. Jomuina muna watanza kutembea. Ils commencent à marcher. Bata tembea. Écoutez maintenant. Sikilize ni sas. C'est le sacrifice qu'ils font. Niku jitoa kuleveko na jitoa. Qui fait qu'ils reçoivent tant de la réunion. Joy le kunafanya batapokea mingi mumikusaniko. Il est ma sacrifice tout mon foi. Le sacrifice que nous fournissons. Tu y a quoi dans le canista? Pour aller à l'église. Tu y a une qu'on a foi ni à kusema. Tu qu'on a pas ta vie mingi kupitia mukusaniko. C'est ce qui fera ce que nous allons recevoir beaucoup au travers les réunions. Église, est-ce que vous comprenez? Et tu canista mon askia? C'est le sacrifice qu'il faut. Ni kujito wa leo kuna fanya. Qui fait qu'il reçoive tant de la réunion. Jo ile kuna fanya mapoke bia mingi mu mikusaniko. Quand il n'y a pas de sacrifice, wakati hakuna kujitoa, on ne retire pas grande chose de la réunion. Hawezi kupata bitu mingi mu mikusaniko. Quand il n'y a pas de sacrifice, wakati hakuna kujitoa, on ne retire pas grande chose de la réunion. Hautapata bitu mingi mu mikusaniko. Kama mnafanya ma sacrifice, si vous sacrifiez, mimi naacha kufula, je laisse ce que j'ai kutumika, je travaille, je arrête mon travail. Pour venir à l'église, nitapatiamo vya mingi. Je recevrai beaucoup de cette réunion. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Si nous nous détournons, mes frères et sœurs, kama tukikatala banduku na badada, d'écouter la parole de Dieu, kusikia neno la Mungu, même notre prière est une abomination. Hata maombi yetu nyewe ni makufuru. C'est ce que la Bible dit. Dieu qui le Bible qu'on a sema. C'est ce que Dieu dit. Non, Dieu qui le Mungu a sema. On est en train de vous parler pour que vous puissiez comprendre parfois d'où viennent beaucoup de difficultés qu'on a. Tu kuna miambia ili mupate kuelewa ni wapi kule kunatokea kama magumu mingi ile tunapata. Oui, monsieur. Dieu va nduku na badada. C'est lui qui néglige. Ula na sula. Même si tu dis que tu es croyant. Ataka mwana sema sema kwa mwaminifu. C'est lui qui est croyant sans écouter la parole de Dieu. Ule mwenye kwa mwaminifu bila kusikia neno la Mungu. C'est une malédiction. Ni ole ni lana. Amen. C'est lui qui est croyant. Mwenye kwa mwaminifu sans écouter la parole de Dieu. Bila kusikia neno la Mungu. C'est une malédiction. Ni lana. C'est pourquoi même le prophète donne le conseil, même quand tu veux déménager, Jokomana, tenez compte de la parole de Dieu. Je ne peux pas déménager pour aller m'installer là où je n'ai pas la possibilité d'écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, on ne respecte plus ces principes. Le plus nous regardons sur les matériels. Même si tu es béni matériellement. Mais si ton âme ne t'énerit pas, c'est une vanité. Vanité de vanité. Ubatili. Tout est vanité. Tu biote ni ubatili. On me donne le travail. Bananipatia kazi. Ni kunangera kazi ni kunatumika. Je regarde. Est-ce que itanipatia possibilité? Est-ce que ça va? Ya ni kwenda kusikia sauti ya Mungu. Me donnera-t-il la possibilité d'aller écouter la parole de Dieu? Ni kunafunda masomo. J'étudie. Ni kunangera masomo ni kunafunda. Je regarde mes études. Est-ce que itanipatia possibilité? Est-ce que ya ni kwenda kusikia sauti ya Mungu? Ça me donne la possibilité d'écouter la parole de Dieu. Kusikia sauti ya Mungu ina kupotesha. Écouter la parole de Dieu ne va pas perdre. Kama kupata kabisa tu kunapata ni Mungu kusikia sauti ya Mungu. Si nous sommes la parole de Dieu que nous recevons, c'est la vanité. Tout ce que nous recevons en dehors de la parole de Dieu, ça va se perdre bientôt. Bientôt, ça va se dissiper. Et c'est que la parole de Dieu, c'est la dernière. Le monde passe. La compatisse aussi passe. Mais la parole de Dieu, c'est éternellement. Accrochez-vous à la parole. Wambatane kuneno la Mungu. Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Proverbe chapitre 28. Mezali sura makumi mbili na munane. Verset 9. Musari ya tisa. Si quelqu'un kama mutu détourne l'oreille anakatala kusikia pour ne pas écouter la loi anakatala kusikia sheria. Si quelqu'un kama mutu détourne l'oreille. Anageuza lisikio yake. Pour ne pas écouter la parole de Dieu. Jua katale kusikia neno la Mungu. Sa prière même. Na maombi yake nyewe. Est une abomination. Ni ma kufuru. Sa prière même. Na maombi yake yo nyewe. Est une abomination. Ni ma kufuru. J'ai pris sur base de ce que Dieu m'a dit. Nous ne prions pas pour les plaisirs de prier. Amen. Dans cet âge, nous sommes en train de donner la nourriture au temps convenable. Lorsque j'écoute ce que Dieu dit, j'ai fait mes genoux. J'ai prié. Le Saint-Esprit descend pour vraiment me donner ce que la parole a dit. Dieu a connu partie à qui les gens ont dit. Je reçois à travers la prière. Unapokea kupitia maombi. Je reçois à travers la prière. Niko napokea ni kupitia maombi. Comme on avait peut-être écouté sur la colère. Sa vile tulisikia saa zingine wanasema yulu ya kasirani. Je commence maintenant à gémir. Ninaanza kuugua à travers la prière. Kupitia maombi. Toutes sortes de prières. Ma aina yote ya maombi. Pour que Dieu, Jia Mungu, épargne pratiquement des esprits de colère. Aniepushe na ile pepo mchafu ya kasirani. Parce que kwani ça va bloquer mes bénédictions. Vitazuiza baraka yangu. Je suis en train de lutter à genoux. Niko napika vita kumagoti. Tel qu'on a écouté l'adoption. Paka vile tulisikia kukubaliwa kwa mwana. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu aniambia. Toutes les œuvres charnelles. Ya kwamba matendo yote ya mwili. Toutes les œuvres charnelles. Matendo yote ya mwili ya kishetani. Et je n'agrairai jamais cela. Mungu hawezi kamwe kuikubali. Je vais commencer à prier. Naanza kuomba. Je vais à genoux. Taenda kumagoti. Quand je constate en moi. Wakati mimi nasikia ndani yangu. Il y a des œuvres de la chair. Atenda prier. Ya maombi. Je commence réellement à prier. Naanza kuendelea kuomba. Le Saint-Esprit viendra. Roho Mtakatifu atakuja. Na ataondosha ile kitu kibaya. Sasa leo nous sommes quel type de croyants? Tuko aina gani ya waaminifu? Oui mes frères. Ndio bandugu yangu. Oui mes sœurs. Ndio badada yangu. Si nous détournons notre oreille. Sama tukigeuza lisikio yetu. Écoutez la parole de Dieu. Na ukatala kusikia neno la Mungu. Notre prière est une abomination. Na maombi yetu yenyewe ni bakufuru. Si nous négligeons aussi. Kama tukisula tena. De donner au Saint-Esprit la parole de Dieu. Mpatie Roho Mtakatifu neno la Mungu. Nous mourons. Tunakufa. Mes chers frères et sœurs. Bapendo bandugu na badada. Le secret de la consolation. Siri ya kubarikiwa. C'est dans la présence de Dieu. Ni ndani ya uwepo wa Mungu. Le secret de la consolation. Siri ya c'est dans la présence de kubarikiwa Dieu. Ni muwepo wa si Mungu. Le monde te blesse. Kama ulimwengu na kuumiza. Si le monde te blesse. Kama ulimwengu na kuumiza. Fui dans la présence de Dieu. Kimbiria muwepo wa Mungu. Tu seras consolé. Utafarijiwa. Si tu as des problèmes. Kama kuna mambo. Si le monde t'afflige. Kama dunia na kutisha. Fui dans la présence de Dieu. Kimbiria. Tu auras la consolation. Utapata mufaraja. Le secret du revêtement de la puissance de Dieu, c'est toujours dans la présence de Dieu. Siri ya kufuikwa na uwezo wa Mungu ni paka muwepo wa Mungu. Kama unapenda ya kusema. Si tu veux que. Ukuye revêtu de la puissance en haut. Kufuikwa na uwezo ya demeure Mungu. Dans la présence de Dieu. Udumu muwepo wa quand Mungu. Quand tu es en train de regarder la télévision. Wakati unangaria televisheni. Ashima karashika. Mukufuata karashika. Dieu qui viendra sur toi. Amuna kia Mungu kile kitakuwa juu yako. Demeure dans la présence de Dieu. Unapenda kumuonja Mungu. Mungu atafanya yote. Le diable fera tout. Mungu atafanya yote. Pour aussi vous éloigner de la présence de Dieu. Ya kumiepusha upate unja muwepo wa Mungu. Ana. Amen. Ana. Ana. Ana. Elle était stérile. Alikuwa tasa. Ana était stérile. Ana alikuwa tasa. Avec la stérilité. Nabutasa. Elle est allée dans la présence de Dieu. Alienda nabo muwepo wa Mungu. Elle ne faisait que prier. Alikuwa paka naomba. Elle ne faisait que prier. Alikuwa paka naomba tu. Elle qui était un sacrificateur. Elia ule alikuwa Mungu. Kai la regarde. Wakati alimwangalia. Il a dit. Akamwambia. Jusqu'à quand? Kufika na wakati gani? Utaendelea kufika. Ana alisema. Je suis en train de répandre. Je suis en train de répandre mon âme. Niko na zambaza nafsi yangu. Je suis en train de répandre mon âme. Na zambaza nafsi yangu. Dans la présence de Dieu. Uwepo wa Mungu. Afin que Dieu puisse mettre à regarder. Apate kuangalia. Ce dont j'ai besoin. Uangalia nyingine na hitaji. Et quand il a répandu son âme. Wakati azambaza nafsi yake. Uwepo wa Mungu. Dieu l'a consolé. Mungu alimufariji. Elle qui était stérile. Yeye ule alikuwa tasa. Le même jour Dieu l'a visité. Siku moja moja Mungu alimutembelea. C'est dans la présence de Dieu qu'on est consolé. Ni uwepo wa Mungu ndio tunafariji. C'est dans la présence de Dieu qu'on est consolé. Ni muwepo wa Mungu ndio tukunafarijiwa. Jacob. Yakobo. Il avait la bénédiction apparente. Alikuwa na baraka ya kuonekana. Il était béni. Alibarikiwa. Il avait arraché la bénédiction. Alitukunyaka baraka. Mais il n'avait pas la bénédiction papale. Alakini asikuwa na baraka ya kone ya kupapasa. C'est comme nous. Iko sawa sisi. Nous écoutons la parole. Tuko nasikia neno. Il y a ce dont Dieu nous a dit. Huku ile Mungu alituambia. Mais peut-être on ne l'a pas encore. Sa zingine tu yaipata. Oui. Ndio. Peut-être tu entends parler du baptême du Saint-Esprit. Sa zingine unasikia wanasema yule baptizo wa Roho Mtakatifu au yaipata. Aina vile. Peut-être tu entends parler de la guérison. Sa zingine unasikia wanasema mambo mengi. Lakini au yaipata. Toute cette bénédiction. Ile baraka yote. Dont Dieu nous a donné. Ile Mungu alitupatia. Par sa parole. On peut les expérimenter. En dehors de la présence de Dieu, vous ne pouvez pas l'expérimenter. Amen. Amina. Une des maladies. Que souffrent beaucoup de croyants. Il est vaminifu vamingi weko na gonjwa. C'est la maladie ni magonjwa de l'absence ya kulofwa de l'absence de présence de Dieu ya kukosa uwepo wa Mungu. C'est la maladie de manque de présence de Dieu ni magonjwa ya kukosa uwepo wa Mungu. Et c'est quand Dieu nous dit joko mara Mungu anatuambia n'abandonnez pas notre assemblée mushache kamwe mikusaniko yetu. N'abandonnez pas notre assemblée. Usiache kamwe mikusaniko yetu. Quand vous abandonnez l'assemblée. Ukiacha mkusaniko. L'assemblée. Mkusaniko. L'assemblée. Mkusaniko. L'efficacité de la présence de Dieu. Uwezo ya uwepo wa Mungu. Se manifeste. Iko naonekana. Beaucoup plus. Zaidi. Là où il y a deux. Pale peko bawili. C'est quoi la Bible dit? Je comprends la Bible, anasema. Là où il y a deux ou trois. Pas le peko ba wili wala batatu. Est-ce que vous comprenez? Eti muna ele. Là où il y a deux ou trois. Pas le peko ba wili wala batatu. Là où il y a un. Aina pas le peko moja. Là où il y a deux ou trois. Pas le peko ba wili wala batatu. Je suis parmi eux. Mi Mungu niko katika yabo. Maintenant, quand nous abandonnons notre assemblée. Sasa wakati ile tunaacha mkusaniko yetu. C'est-à-dire nous méprisons même le sang de Jésus. Manake tunabeula ta damu ya Yesu. Et à cause de ça, kwa ajili ya ile, ikabod s'installe. Ikabod inaonekana. Église, est-ce que vous comprenez? Eti kanisa mnasikia? Quand nous abandonnons notre assemblée. Wakati tunaacha mikusaniko yetu. Là où deux ou trois. Pale deux ou trois. Pale bawili wala batatu. Si deux d'entre vous. Kama bawili katikati yenu. S'accorde sur la terre. Banasikilizana pa dunia. Pour me demander. Jia kuniomba. Une quelconque chose. Kitu fulani. Donc l'efficacité. Manake uwezo. De la puissance de Dieu. Ya uwezo ya Mungu. Se manifeste dans son assemblée. Hiku naonekana umikusaniko yake. L'efficacité. Nguvu. De la présence de Dieu. Ya uwezo ya Mungu. Se manifeste dans son assemblée. Hiku naonekana ni umikusaniko yake. Se manifeste quand tes enfants sont ensemble. Iko naonekana wakati watoto wake wanakusanyika assembly. Hata wewe kama unasula mkusanyiko. Quand vous négligez l'assemblée. Unasula mkusanyiko. Bantu kuna badala. Vous êtes en train de mépriser le sang de Jésus. Uko na beula damu ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Et c'est pourquoi il y a l'ikabod. Jo kwa maana kuku ikabod. On est en train de profaner l'assemblée de Dieu. Beko na kufuru mkusaniko ya Mungu. Nous sommes en train de profaner le sacrifice. Tuko na kufuru sadaka. À cause de ça. Kwa ajili ya ile. Dieu n'est pas content. Mungu ashifurahiki. Dieu est attristé. Mungu anahuzunishwa. Et quand Dieu est attristé. Wakati Mungu anahuzunishwa. Il ne fera absolument rien. Asafanya kitu. Mes frères et sœurs, est-ce que vous comprenez? Bantu kuna badada eti mnaelewa. Oui. Ndio. Si Israël a connu une grande défaite. Kama Israël alikosewa sana. C'est parce que. Ni kwani. Parmi le peuple d'Israël. Katikati ya taifa Israël. Il y avait ceux-là qui étaient en train de profaner le sacrifice. Kulikuwa wale bali kufuru sadaka. Il y a ceux-là qui étaient en train de mépriser l'assemblée. Pourquoi vale bari beula mkusaniko? Ofni. Osni. Ofni. Ofni. Effiné. Nafiné. Ils étaient en train de profaner. barikuwa na kufuru il profane l'assemblée barikuwa na kufuru mkusaniko il profane le sacrifice barikuwa na kufuru sadaka il profane les offrandes barikufuru masadaka à cause de ça wajili ya ine Dieu a même changé la décision Mungu alibadilisha mipango lui qui avait dit yeah, que la maison d'Eli ya kwamba nyumba Eli serait béni itabarikiwa à perpétuité walote Dieu a changé sa décision Mungu alibadilisha mipango yake kwani le sacrifice sadaka l'assemblée était profanée barikuwa na ikufuru unekala kwako tu restes chez toi tu n'as rien à faire na una na kilo unafanya tu es en train de regarder la télévision uba naangalia télévision et nous nous sommes ici en train de chanter lakini sisi tuko hapa tunaimba nous sommes ici en train de prier tuko hapa naomba nous sommes ici en train d'adorer tuko hapa naabudu et toi tu es chez toi à la maison unabakia kwako kumlango représentez-vous un peu la chose mufikiri kwanza hii mambo kama kanisa inaweza kushikia hivi tutatembea mzuri. Si l'église devait comprendre cette manière on devait bien marcher. Likabonde entre. Likabonde ilingia. L'arche de l'alliance a été prise. Santukula gano bali beba. À cause pratiquement du mépris. Wajili tu ya kazarau. À cause du mépris. Wajili ya kazarau. L'arche de l'éternel a été prise. Santukula wa milele bali beba. À cause du mépris. Wajili la présence de Dieu s'en est en allé. Uwepo wa Mungu ilitoka. Israël est resté sans arche de l'alliance. Israël est bakia bila sanduku la agano. Israël sans arche de l'alliance n'est pas fort. Israël bila sanduku la agano hana na nguvu. Israël sans arche de l'alliance sera combattu. Israël bila sanduku la agano watampiga. Israël sans arche de l'alliance, il aura toujours la défaite. Israël bila sanduku la agano batakapata na mwina. Hivyo hivyo. Tout enfant de Dieu, sans présence de Dieu en lui, il aura toujours la défaite. Bila uwepo wa Mungu kila mara batakapata na mwina. Ni ikabata. La gloire de Dieu est bani. Uwezo wa Mungu inaondoka. Pourquoi? Dieu a nini? Parce que kwani? Nous méprisons l'assemblée. Tunabeula mkusaniko. Pourquoi? Dieu a nini? Parce que nous méprisons l'union. Tunabeula mkusaniko. Il est doux et agréable au frère. Iku mzuri na kupendeza kwa banduku. Il est doux et agréable au frère de demeurer. Iku mzuri na upole kwa watu kukukaa pamoja. C'est là que Dieu. Njo pale Mungu. C'est là que Dieu. Njo pale Mungu. Déverse. Eko na shusha. Bénédiction. Mabaraka yake. C'est là que Dieu. Njo pale Mungu. Donne. Eko na leta. La vie. Mujima. Pour l'éternité. Kwa milele. Amen. Ainsi. Ivi basi. Voyant cet état de chaos, kisha kuona ile hali ya kuharibika, Dieu lui n'a pas voulu que nous puissions rester dans cet état. Mungu ashikupende tubakie mu ile hali. C'est l'âge dans lequel nous vivons. Ndio mukizazi mule tukunaishi. Tous les bâtiments que vous voyez. Mama jengo yote mukunaona. Toutes les réunions que vous voyez que les gens font. Mami kusaniko yote ile munaona watu wanafanya. Ils n'ont pas l'arche de l'éternel. Avana tena na shanduku ya wa milele. Ils n'ont pas la présence de Dieu. Avana tena na uwepo wa Mungu. C'est pourquoi Dieu nous a lancé un appel. Joko mana Mungu anatuita. Sortez du milieu de mon peuple. Tokeni katikati yabo taifa yangu. Eti munafuata. Sortez du milieu de mon peuple. Tokeni katikati yabo taifa yangu. J'habiterai. Minte kalaka. Au milieu de vous. Katikati yenu. Je marcherai. Tatembeaka. Avec vous. Pamoja na mweye. Jusqu'à ce que vous allez arriver à votre destination. Kufika na pale mutafika kule Mungu naenda. Si nous sommes réellement sorti. Kama hakika tulitoka. C'est à travers le message. Kupitia ujumbe ile walitubiri. Le message biblique du temps de la fin. Ujumbe ya Biblia wakati ya mwisho. Le message qui nous ramène. Ni ujumbe na naturudisha kwa Mungu. C'est un message qui ramène Dieu. Ni ujumbe ile na murudisha Mungu. C'est un message qui nous ramène à Dieu. Ni ujumbe na turudisha kwa Mungu. Et c'est un message qui ramène Dieu. Ni ujumbe ile na tuletea Mungu. Est-ce que vous le croyez? Eti munaamini vile? Un message qui nous ramène à Dieu. Ujumbe na turudisha kwa Mungu. Un message qui nous ramène Dieu. Na ujumbe ile na tuletea Mungu, inaturudishia Mungu. Un message qui nous donne le surnaturel. Ujumbe yenye kutupatia vitu ya kimungu. Si vous ne le croyez pas, kama muiamini, écoutez, sikilizeni, dans la prédication de la colonne de feu, mumahubiri nguzo la moto, ici on ne peut pas voir, il y a Il y a toujours eu cette photo ici, je sais. Kila mara kunekalaka hii picha. Avec ça. Que les gens mettent parfois dans les églises. Les bantu tu veux weka makanisa. On n'a pas besoin de mettre ça dans l'église. Atuitaji tu kuweka makanisa. Nous avons besoin de ça dans notre vie. Tunahitaji hii iko maisha yetu. Cette colonne de feu là. Hii nguzo la moto. Nous avons besoin de ça dans notre vie. Tunahitaji onekane mu maisha yetu. Nous avons besoin de ça dans notre marche. Tunahitaji onekane mu safari yetu. Dieu a promis. Na Mungu alilaka. Partout où ce message sera prêché, dans l'originalité, la colonne de feu, elle est là. C'est le surnaturel qui est là. Même ce soir, le surnaturel est ici. Il est en train de circuler pour voir dans quel cœur il doit confirmer sa parole. Le surnaturel est ici. Est-ce que vous le voyez? Quelqu'un qui amène le surnaturel, c'est quelqu'un. La parole de la vérité. Neno, là où il y a la parole de la vérité, Dieu est là. Vale, peko, nano, et là où Mungu Dieu est, vale, les maladies tombent. La là où Dieu est, vale, peko, la Mungu mort s'enfuit. Lufu, là où Dieu est, vale, peko, les frères et sœurs, même la mort tombe. Badata, tout tombe devant Dieu. Yote, viku, nanguka, les problèmes tombent. Les maladies tombent. Nanguka, les difficultés tombent. Même le péché a la solution dans la présence de Dieu. Uwepo wa Mungu. Comment est-ce que je vais négliger? Namuna kani sasula kuenda kanisa? Il nous a dit ceci. Bana tuambia hivi. Je vais pas tout lire. Sita soma biote. Vous connaissez l'histoire? Muna juye ya disi. De la colonne de feu. Mambo ya guzo ya moto. On s'est moqué de Branham. Balikuwa na mchekele ya Branham. On les taxait de n'importe quoi. Balikuwa na mutaya majina lote lote. Jusqu'à ce qu'on l'avait même défié. Kufika na chikuma bali mpinganisha. Il y a eu prise de photo. Barubamba mapicha. De tous ceux qui semblaient être des grands prédicateurs. Ya bali bote barikuwa na wazia sema ni baubiri bakubwa. Et pour finir, tellement qu'on l'a méprisé, on pouvait le faire asseoir aussi, pour qu'il puisse aussi parler, et on a pris aussi les photos. Sa ville va rumbeula sana, va dependa va mpitiche na ye aseme, na va rumbamba na ye mapicha. Mais maintenant, on a pris toutes ces photos-là. Sasa va rumbamba ile mapicha yote ile. On est allé avec ça dans les laboratoires. Barienda na yo mu laboratoire, jua kuisafisha. Il n'y avait pas la confirmation de Dieu. Mungu ashikwa kikishe. Il n'y avait pas la confirmation de Dieu à travers tous ces hommes-là. Kupitia wale watumishi wa Mungu bote Mungu ashikuba kikishie. Amen. Amina. Parce que le surnaturel, tu ne peux pas voir ça. Watu bitu ya kiro ya kimungu hawezi kubiona hivi. Tu peux ne pas voir. Il faut que tu sois beaucoup plus spirituel. Inapeshi kwa sana na wewe wa kiro. Je sais que dans cette église. Mina jua sa mwika nisa. Il y a des sœurs qui sont réellement spirituelles. Mungu badanda kweli kweli venye kwa ba kiro. Sa zingine wakati anaangalia kumimbari. Pastori kuna ubiri. Parfois même la lumière qui passe. Anaona hata mwangaza na picha. Apana na macho, lakini na macho ya kiro. Mina jua. Mina jua sa kuku banduku hapa. Na badada hapa beko naona ile. Ils sont sortis page 18. Kartasi 18 bali toka. C'est un garde du char un peu roux, très dur, il s'est avancé. Il a dit. Alisema ukaribia na kusema. Qui s'appelle Branham? Branham ni nani? Il y avait pratiquement autant de gens. Mukwa watu mingi assis benye kuikala. Il y en a ici dans cette salle. Et j'étais tout au fond. Na mirko munyekala kule kumwisho. J'ai dit. Nikasema. C'est moi. Ni miye. Il a dit. Arisema. Levez-vous. Shimama. Je me suis levé. Miri shimama. Et il a dit. Nakisha akaniambia. Monsieur Branham. Eh bwana Branham. Vous mourrez comme tout mortel. Ukuna kufa sabantu bote. Utakufa sabantu bote. Vous mourrez comme tout mortel. Utakufa sabantu bote. J'ai dit. Nikasema. J'en suis conscient, monsieur. Ndiyo mina iyua, ebwana. Mais je rends grâce à Dieu. Alakini mina mushukuru Mungu. De ce que Jésus-Christ a pris ma place. Kwa vile Yesu Kristo alichukua fazi yangu. Il a dit. Alisema. Présentez-vous. Kuya ujitambulishe. Et je suis monté na miripanda Et il a dit, na kisha alisema, Reverend Branham, Mheshimiwa Branham, j'ai entendu parler de vos réunions. Mirisikia beko nasema mambo ya mikusaniko yako. Je disais que nilikuwa, c'était de la psychologie. Nilikuwa nasema sema ilikuwa ni bitu ya kufikiri. Je disais que les gens s'imaginaient cette lumière. Nilikuwa nasema kwamba watu walikuwa nafikiri ile nuru. Il a dit. Alisema. Je disais les mêmes choses. Nilikuwa nasema bitu moya moya ile. Mais alakini, ma mère, mama yangu, était une ancienne chrétienne. Alikuwa ni mwaminifu wa zamani. Il a dit, alisema, permettez, unirusu, permets-moi de vous dire, unirusu ni kuambie, Reverend Branham, Mheshimiwa Branham, que l'œil mécanique, ya kwamba licho ya kimwili, cet appareil photo, ya hii appareil photo, ne prendra jamais de la psychologie. Ayezi kama kubeba picha ya mafikiri. Il a dit, alisema, c'est un être surnaturel authentique. Ni kitu ya kimungu kia vya kweli. C'est un être surnaturel authentique. Ni kitu kia kimungu kia kia vya kweli. C'est l'unique foi. Ndio mara tu ya kwanza. C'est l'unique foi. Ni mara tu ya kwanza. Dans toute l'histoire du monde. Mwadisi yote ya ulimwengu. Une telle photo. Photo ya hivi. Et jamais été prise. Aiba ya ibambaka kamwe. Il a dit. Alisema. Les vieux hypocrites. Banafiki ba zamani. Ne peut plus dire qu'il n'existe aucune preuve scientifique d'un être surnaturel. Abawezi tena kusema kwamba hakuna hakikisho ya kitu ya kimungu. Aujourd'hui, Léo, le monde, ulimwengu mzima, a la preuve scientifique du surnaturel. Iko na hakikisho ya marifa ya kitu ya kimungu. Et m'a donné la photo. Na alinipatia ile picha ile photo. Je l'ai remis à l'American Photographer Association. Niko aipatia mikusaniko ya wafanya mafoto wa kwa Amerika. Et ils ont pris des dispositions pour que cela ne soit pas vendu trop cher. Bakabeba mipango juu ya kwamba ile picha basiujishe na bei. Il a dit. Alisema. Reverend Branham. Mheshimiwa Branham. Avant que vous partiez. Mbele ya wewe kuenda. Tout le monde pleurait. Batu bote walikuwa nalia. Il a dit. Alisema. Avant que vous partiez. Mbele ya wewe kuenda. Un jour. Siku moja. Vous quitterez cette vie. Utatokaka mui maisha, mui bujima. Cette photo. Hii picha. Sera sur les étagères de bazar. Bataweka kama étagère ya. Sur les étagères. Mba étagère ya bantu. Et tout on a leo ba Branham. Ce que nous voyons aujourd'hui baigné kwa mini Branham. Ils mettent pratiquement par, la photo de Branham avec la colonne de feu sur la tête. Banaweka na kuchunga hii photo ya Branham na nguzo ya moto pa kichwa yake. Celui qui disait ça c'était un païen. Huyo alikuwa anasema hivi alikuwa ni mpagano. Celui qui disait ça. Yule alikuwa anasema hivi. C'était un païen. Alikuwa mpagano. Nous vous le disons aussi. Tunamwambia hivi na mweye. Pour que vous preniez conscience. Juu mpate kutambua. Que quand vous venez. Ya kama wakati mnakuja hapa. Pa hii fazi hapa. Le surnaturel est là. Kitu ya kimungu kiko hapa. Le surnaturel qui est ici. Ya kile kitu ya kimungu. Ici pour nous consoler de tous nos problèmes. Kiko hapa juu kitufariji na mambo yetu yote. Pour confirmer la parole de la promesse que nous croyons. Kiko hapa juu tuhakikishie neno ya manakole tunaamini. Nous n'avons pas cru en Dieu mort. Hatukumwamini Mungu mwenye kufa. Nous avons cru en Dieu vivant. Tuliamini Mungu mzima. Et le vivant. Na Mungu wa mzima. Et le vivant qui doit prendre témoignage, c'est toi et moi. Bajima wanapaswa kushuhudia ni wewe na mimi. Et Dieu répondra ta requête. Ya kwamba Mungu wako hapa juu kujibia hitaji yako. Je me mets à la chaire pour bien lire et que mes frères aussi m'écoutent. Nina simama kumbari juu nisome mzuri banduku basikie. Avant que vous partiez. Mbele ya wewe kuenda. Un jour. Siku moja. Quand vous quitterez cette vie. Wakati ile utatoka muibujima. Cette photo sera sur les étagères du bazar. Hii photo itakuwa ma étagère ya bantu. Et il a dit. Na alisema. Parce que. Kwani. C'est la seule chose. Ni kitu kimoja tu. Que nous ayons jamais eu entre nos mains. Kile atu ya pataka mu mikono yetu. Et dont nous pouvons prouver que c'était un être surnaturel réel. Kile tunapashi kuhakikisha ya kwamba ilikuwa ni kitu ya kiroho ya kimungu kia vya kweli. Et il a dit. Na alisema. Tout autour du sauveur. Kando kando ya mokozi. Tout autour du sauveur. Pembeni ya mokozi. Et des saints. Na ya watakatifu. Il y a une auréole peinte. Kuko ile kivuri kenye kufiatula. Auréole. Auréole manake mwangaza, kivuli ya mwangaza. Donc sema ça qui mvuli ya moto. C'est comme wakati Yesu anaanza kutembea na mitume yake. Lorsque Jésus-Christ marchait avec ses disciples. Il y avait une auréole peinte qui était toujours autour d'eux. Pourquoi mwangaza? Pardon. Kivuli ya moto. Kimvuri ya moto ilikuwa namzunguka Yesu. C'est à travers cette atmosphère là que les malades étaient guéris. Ni kupitia ile hali ndio wagonjwa walikuwa natunzwa. C'est à travers cette atmosphère là qu'il y avait l'attraction. Ni kupitia ile hali ndio kulikuwa uvuto. Et aujourd'hui nous, na leo sisi, avec le message, na ujumbe, autour de nous aussi, pembeni yetu, il y a cette atmosphère qui doit toujours nous accompagner. Kwa ile kimvuri ya moto napashi tuzunguka. Mais nous n'entretenons pas ça. Alakini hatuichunge. C'est ça le chaos qu'on a. Ndio kosa ile tukunayo. David a tué Chungé. Mutumishi wa Mungu anasema. Ile tu kunasema. Tout ce que nous faisons. Ile tu kunafanya. Tout ce que nous pensons. Ile tu kunawaza. Crée autour de nous une atmosphère. Inaumba pembeni yetu. Une atmosphère que nous créons. Ile kimvuri tunaumba. Permet soit à Dieu d'être avec nous. Unaruhusu Mungu awe nasi. Wala shetani akuwe nasi. Si vous voulez créer une bonne atmosphère. Kama unapenda kuwa na hali nzuri. Dieu soit avec vous. Mungu akupate kuwa nawe. Toujours dans la présence de Dieu. Kila mara uko muwepo wa Mungu. Je serai obligé d'arrêter. Na lazimisho nisimamishe. Aïe, j'avais voulu terminer cette pensée. Nalipenda nimalize iwazo. Pour voir comment nous devons nous maintenir. Jua kuona namna kani tunapashi kulichunga. Et on disait que c'était de la psychologie. Barukwa nasema kwamba ni mafikili bule. Mais Alakini alisema. Je crois que c'était là. Mina amini ya kwamba ilikuwa ako pale. Et il a dit. Na alisema. Ceci n'est pas de la psychologie. Hii aina mambo ya mafikili. L'œil mécanique de cet appareil photo. Licho ya hii photo. De cet appareil photo. Ya hii appareil photo. Ne l'aurait pas pris de cette façon là. Haikupashi kuibamba muina muna. Et il a dit. Na alisema. À cause. Kwa ajili du caractère sacré ya tabia takatifu, du caractère sacré de la photo ya tabia takatifu ya hii photo, caractère sacré ha, manake ya konekana kwa butakatifu kwa hii photo, caractère sacré, donc la photo ici manake hii photo détient un caractère sacré, ikuna konekana kwa butakatifu. C'est une preuve, ni hakikisho, que Dieu a donné au monde entier. Ile Mungu alipatia ulimwengu mzima ya kwamba leo Dieu demeure avec son peuple. Mungu yuko pamoja na taifa yake. Mungu yuko anatembea na taifa yake. Banduku na badada rien, absolument rien, kushikwe kitu ne vous éloigner de Dieu, cha kumpeleka mbali na Mungu. Rien, absolument rien, kushikwe kitu ne puisse pas vous éloigner de la présence de Dieu. Kitu kia kumitocha mwepo ya Mungu. Leo vous avez la conviction que Mungu na hakikisho ya kwamba avec nous ici. Mungu anekanaka na sisi kila mara hapa. Wakati kuna mambo uko na ile mambo hapa, Dieu vous donnera toujours la solution. Na Mungu ataendelea kupatia jibu. Mungu amebariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Est-ce que vous avez reçu quelque chose? Eti munapokea kwa kitu fulani? Est-ce que vous avez reçu quelque chose? Munapokea kwa kitu fulani? Kama shetani anapenda kukuendesha mbele, anapenda kuendesha mbali, wewe sema mimi nakatala. Si le diable veut te loigner, moi je refuse. C'est dans la présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu. Na mihakikishie hapa peko uwepo ya Mungu. Il y a la présence de Dieu. Hapa peko uwepo ya Mungu. Celui qui est malade. Mwenye kwa mgonjwa. L'hôpital, phase à hôpital et à quelli, l'adresse du véritable hôpital, phase à hôpital et à quelli, n'y a pas dans la présence de Dieu. Où est pour Yamungu? C'est quoi lui-même a dit? Je commande à lui-même de moi. Vous touchez quoi? Vous touchez de fatigue. Vous touchez de chargé. Je vous donnerai du repos. Dans la présence de Dieu, on a le repos. Recevez le repos de Dieu. Mupoke uwepo wa Mungu. Que notre Dieu soit loué. Mungu wetu asifiwe. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Recevez toutes les bénédictions de Dieu. Mupoke mabaraka yote ya Mungu. Que celui qui est malade. Mwenye kwa mugonjwa. Au nom de Jésus-Christ. Mujina Yesu Christ. Qu'il reçoit la guérison. Apoke utunzo. celui qui a un problème, mwenye kwa na mambo, au nom de Jésus-Christ, Yesu Christ, il reçoit la solution. Apokee jibu. Tous les démons qui vous ont liés, ce soir, au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ, donne l'ordre à tous ces démons qui vous ont liés, au nom de Jésus-Christ, lâchez prise. Que ce soit les démons des maladies, je leur donne l'ordre qui sortait. Allez dans votre lieu aride. Quand parlez ma soeur, Dougou, mon frère, à tu n'es pas un jouet de Satan. Tu n'es pas un jouet de Satan. Tu es la propriété de Dieu. Tu es la propriété de Dieu. Tu es la propriété de Dieu. Tu n'es pas un jouet de Satan. Si Satan est un jouet de toi. Aujourd'hui, dis-lui que Akuna. Je remets la chair au pasteur. Minacha mimbari na pastori. Pardon? Non, c'est pas fini. Que je continue? Merci. Wendele, muzuri asante. Ok. Ule wote anachoka na wezi kutoka. On me donne l'ordre de continuer. Banampatia rusa ya kuendelea. C'est important. Ni ya mafaa. Parce que je dois finir par ça. Kwani mimi nafashi kuishia hapa. Est-ce que vous êtes convaincu que eti muna hakikisho ya kwamba le message nous amène le surnaturel? Ujumbe inatuletea kitu ya kimungu? Je viens de lire, n'est-ce pas? Mimi natoka mkuisoma ina vile. Mimi natoka mkuisoma. Le surnaturel n'est pas partout. Bitu ya kimungu havina fazi yote. Le surnaturel est ici. Ya kimungu iko paka hapa. Et en tant qu'enfant de Dieu. Sawa watoto ya Mungu. Nous sommes attachés aujourd'hui, nous sommes ramenés au surnaturel. Leo tunarudisha ku kitu ya kimungu. Dans le jardin d'Eden. Mubusani ya Edeni. Le diable était entré. Shetani aliingia, akupe Adam, alikata Adam, na bitu ya kimungu. Amen. Inakupe Adam, alikata Adam, na bitu ya kimungu. Bila alimukata Adam, bitu ya kimungu. Mademona ilimutawala Adam. Amen. Adam est devenu esclave. Adam anakuwa mutumwa. Parce que il a été coupé du surnaturel. Kwani walimukata ku bitu ya kimungu. Il a été coupé du surnaturel. Kama walimukata ku ya kimungu. Parce que il n'avait pas maintenu l'ordre. Ni jua shikuchunge usawa ya Mungu. Sasa leo Dieu, Mungu nous étions détachés de surnaturel. Si vale tukuniwa na bitu ya Mungu. Mungu anaturudisha. Dieu nous a ramené au surnaturel. Mungu anaturudisha bitu ya Mungu. Tu tupate kuendelea kuchunga. Pour que nous puissions maintenir. Tuendelee kuchunga. Le surnaturel. Ya Mungu. Nous devons aussi maintenir. Tunapashi na shikuchunga. L'ordre vivant du salut au milieu de nous. Usawa ya Mungu akiwa. Nous devons maintenir l'ordre biblique de l'église. Agizo ya kibiblia ya kanisa. Je vous lis cela. Na misome yayo. C'est ça le message. Njo iye ujumbe. Amen. Amina. Si nous avons manque. Kama tunakosa. Manque de la présence de Dieu. Tunakosa uwepo wa Mungu. C'est parce que Niju, nous ne nous maintenons pas. Aturichunge. Et nous ne maintenons pas. Na atuchunge. L'ordre divin du salut. Usawa ya kimungu ya wokovu. Et l'ordre biblique de l'église. Na usawa ya biblia ya kanisa. Est-ce que c'est clair? Eti kuwazi? Pourquoi les scribes disent-ils que Élie doit venir premièrement? Je nini vandisi vanasema ya kwamba Elie anapashi kwanza akuje. Elie viendra premièrement. Elie atakuya kwanza. Et rétablira toutes choses. Na atarudishaka bitu biote. Amen. Amina. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Est gardé au ciel. Alichungwa kumbingu. Jusqu'au temps du rétablissement de kufika na mwakati ya kurudisha kwa bitu vyote. Kurudisha kwa bitu vyote. Hakuna. Hakuna mambo. Aina ya kufuanya. Aina vya kufuanya. Kurudisha kwa bitu vyote. Aina ya kufuanya. Kurudisha kwa bitu vyote. Banesha itimiza. Nous devons nous maintenir dans ce que Dieu a déjà accompli et c'est dans ça que nous allons expérimenter la main de Dieu. Dans l'ordre biblique de l'église. Musawa ya Biblia ya kanisa. Dans l'ordre biblique de l'église. Musawa ya Biblia ya kanisa. Si nous prenons sur le plan international, tukichukua yenye kuangalia ulimwengu mzima, ya le problème des ministères. Kuku mambo ya utumishi. Mais sur le plan local. Ah, lakini mambo yenye kuangalia pahali. Sur le plan local. Pa mambo ya pahali, il y a des offices. Kuku makazi ya pahali. Tunajiongoza mubaya. Nunu conditions mal. La Bible dit qu'on allait dans ma problème mon kanisa. Ce sont tous ceux-là qui apportent des problèmes dans l'église. Parfois même ceux qui sont dans les offices se conduisent mal. Sa zingine wenye kutumika pahali bana jongoza mbaya. Tout cela amène des problèmes. Ile yote naleta mambo. Parfois vous l'église. Sa zingine mwe kanisa. Parce qu'il n'y a aucune église qui n'a pas la doctrine. Jua hakuna kanisa hata moja yenye kuwa na mafundisho ya msingi. Il n'y a aucune église qui n'a pas l'ordre. Hakuna kanisa hata moja yasipokuwa na usawa. Il n'y a aucune église qui n'a pas la discipline. Hakuna kanisa hata moja yenye kuwa na utaratibu. En tant que membre. Kawa wa memba. En tant que des gens qui sont rétablis. Sa bantu wenye kurudishwa. C'est parce que c'est sur le rétablissement qu'il y a la restauration. Juni yule ya kurudisha ndio peko kurudisha. C'est sur le rétablissement qu'il y a la restitution. Ndio peko mambo ya kurudisha vitu pahali yavyo. Eti mwanaelewa. Mais quand nous nous comportons n'importe comment. Wakati tunajiongoza vizuri namna gani? Bantu kuna badada. Ni kuharibika, ni uharibifu. Jodi. Mungu anasema. Ça semble être petit, je pense que la profondeur appelle la profondeur. Inaonekana sawa kidogo lakini upana iko naita upana ingine. Et je sens que na mimi nasikia kwamba notre pasteur, pastori wetu, il sent réellement la profondeur. Kweli kweli anasikia upana. C'est quoi il demande que on puisse un peu continuer. Joko maana analomba tupate kuendelesha. Parce parfois on arrête les pensées. Sasa zingine tuko nasimamisha wazo. Et moi personnellement, mimi mwenyewe kwa upekee, il m'est difficile de revenir sur ce que j'ai prêché. Inanikuia kwa nguvu kurudiria mwile naisha ubiri. Donc je me laisse seulement conduire. Manake mimi nariachilia tu niongoziwe. Écoutez ce que le frère Frank dit. Musikie kile ndugu Frank anasema. Lettre circulaire 32. Barua kuzunguka namba 32. Page 6. Kartasi ya 6. Le plan de Dieu. Mapu ya Mungu. Et que l'église et que dans l'église. Ni ya kwamba mukanisa. Dans la kanisa, règne tout à la fin, règne tout à la fin. Mutawale yote kufika na kumwisho. Le même état de pureté qui existait au commencement. Ali yote ya musafi ile likuwaka kutangia kumwanjo. Est-ce que vous croyez que nous sommes ramenés pratiquement à l'église primitive? Eti munaamini ya kwamba tunarudisha mwali ya kanisa kumwanjo? Vile tunashafika kumwisho? Dans l'église. Mu kanisa. Dans l'église. Ndani ya kanisa. Munapashi mutawale. Le même état de pureté. Ile hali moya moya ya usafi. C'est en rapport avec ça. Ni kwenye kupatana na hiyo. Ni yulu ya ile ndio Mungu anaweza kukutia muhuri. L'apôtre Paul s'écrit au milieu de l'enseignement qu'il donne à ce sujet. Mutume Paulo analalamika yule amafundisha anasema yule ai. Car kwani Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mungu ana Mungu wa fujo. Mais il est le Dieu de paix. Alakini ni Mungu wa salama. Comme dans toutes les assemblées de saints. Sawa vile makanisa yote ya watakatifu. Dans toutes les assemblées de saints. Makanisa yote ya watakatifu. Dieu doit être un Dieu d'ordre. Mungu anapasha kuwa Mungu. Dans toutes les assemblées de saints. Makanisa yote ya watakatifu. Dieu doit être un Dieu de paix. Mungu anapasha kuwa Mungu. Kaya l'ordre. Wakati Mungu. Kaya la paix. Wakati Mungu salama. Mungu yuko na tawala mule. Chacun. Kila mmoja pourrait bien être éclairé en considérant la démonstration de ce que nous venons de lire. Anawezi kuangaziwa mzuri mkuchukua ile tunatoka mkusoma. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mungu ana Mungu wa fujo hapana. Mais au contraire. Lakini kwa kinyume, un Dieu d'ordre. Ni Mungu wa usawa. Ainsi, hivi basi, notre compréhension humaine, kuelewa kwetu kwa bumutu, correspondrait à cette parole. Utambatana na hii neno. Combien profonde est la sagesse de Dieu? Ni upana, mara ngapi upana ya Mungu? Là où les hommes, pale bantu, dans leur pensée, mu mawazo yabo, dans leur parole, mu misemo yabo, dans leurs actions, mu vitendo yabo, ne se soumettent pas à l'ordre de Dieu. Kama bati kusawa ya Mungu, il en résulte un chaos. Manake itakuwa tu ni uharibifu. Kanisa, est-ce que l'église vous comprenez? Aujourd'hui, Léo, y... nous ne sommes pas dans l'Éden de Satan. Atuna tena mwedeni ya satana. Nous sommes dans l'Éden de Dieu. Tuku mwedena ya Mungu. Ce que le diable avait dérangé, Kile shetani araribisha. Dieu a restitué. Léo, Mungu et nous sommes dans ça. Tuku mwile. Nous ne cherchons pas Dieu. Dieu est avec nous. Dieu est avec toi. Dieu doit être avec toi. Si tu écris ce message, c'est pour que Dieu soit avec toi. Dieu, qu'il marche avec toi. Qu'il dort avec toi. Qu'il mange avec toi. Qu'il s'habille avec toi. Amen. Là où les hommes. Dans leurs pensées, dans leurs paroles et leurs actions, ne se soumettent pas à l'ordre de Dieu. Il en résulte un chaos. Et à cette situation, est toujours liée la discorde. En plus, tena, la haine, Chouki, l'hostilité na ouadoui surviennent pour se propager comme un cancer. Itaonekana juu ipate kuzambalala sawa magonjwa ya kansa. Na vile vyote chini hali tena ya shetani inafanya nini? Inaanza kuonekana. Tout cela c'est l'état du Satan qui se manifeste. Alors au lieu que Dieu règne. Pali ya Mungu atawane. Dieu ne va plus régner. Mungu asatawala tena. Dieu va s'en aller. Mungu ya atatoka na kwenda. Est-ce que ma sœur, vous comprenez? Nous vous prêchons les messages. Quand ces choses règnent, wakati bibi tu binatawana, et ça règne pourquoi? Binatawana juu ya nini? Ça règne quand nous ne nous soumettons pas à l'ordre de Dieu. Biku natawana wakati ile atuditishi kusawa ya Mungu. Comment pratiquement moi je suis dans l'office par exemple. Namna kani mimi niku katika kazi ya pahali. Je ne peux pas obéir mon pasteur. Nikatale kuti pastori wangu. C'est compliqué. Bina kwa nguvu. C'est compliqué. Bina kwa biatari. Comment nous en tant que des brebis. Namuna kani sisi sawa baminifu ba memba. Qui sommes conduits par un berger. Benye kongoziwa na mchungaji. Pourrions parler en mal contre notre berger. Namuna kani tutamusemea mchungaji wetu bibaya. C'est compliqué. Bina kwa atari. Ce sont ces formes-là qui attristent Dieu. Ni ile ali ya vile njoo kuna muzunisha Mungu. Comment toi tu dois dire telle c'est ta sœur en Christ? Namna kani wewe utasema huyu ni dadako katika Kristo? Tu as de l'hostilité, tu as de l'inimitié à l'égard de ta sœur. Alakini unamchukia huku naye uadui dada yako. C'est compliqué. Inakuwa hatari. Ce sont ces formes de choses. Ni ile ali ya vitu. Éloigne Dieu au milieu de nous. Ndio vile vinamtosha Mungu anatoka katikati yetu. Mes frères et sœurs. Leo hivi ndugu na badada. Ce ne sont pas les Cananéens qui sont accrochés à nous. Aina wakanana wenye kuambatana nasi. Ce sont les Philistins. Leo ni wa Filistia ndio wao kama tumanzambi tuloko. C'est ce que vous appelez des petits péchés. Tout le monde est en mambo. C'est son seul là qui nous cause des ennuis. Nous sommes tumanzambi tuloko. Dans les petits péchés. Donc les chrétiens qu'on cherche. C'est là où le diable fait ravage. Est en train de ravager. C'est pourquoi je crois mana, l'ordre de Dieu doit régner. Agize, usawa ya Mungu na pasi kawale. Le principe biblique doit être appliqué. Kanuni ya Biblia na pasi kutumika. La discipline de Dieu usawa doit ya Mungu. Être dirigée. Na pasi kwa ya nguvu. Atuwezi kutembea vile tunapenda. On ne peut pas marcher selon notre volonté. Est-ce que vous comprenez? Eti munaelewa? Il dit. Anasema hivi. Pour appuyer. Tu as quoi qui kisha? Christ est le mystère de Dieu révélé. Christ, Dieu, siri ya Mungu yenye ufunuliwa ni mahubiri. Bon. Page 13. Karatasi ya 13. Vous avez des bandes là-dessus. Mungu na matepe pa ivaubiri. Vous avez des bandes sur ce que nous croyons. Mungu na matepe yule aile tunaamini. Vous avez des bandes sur la discipline. Mungu na matepe yulu ya utaratibu. Vous avez des bandes sur la manière de nous conduire dans l'église. Mungu na matepe yulu ya namna ile tunapashi jiongoza mkanisa. Vous avez des bandes sur la nécessité de nous réunir ici et de nous asseoir dans les lieux célestes. Ne restez pas à la maison. Ne restez pas à la maison. Si Dieu est dans votre cœur, vous avez hâte que les portes s'ouvrent pour pouvoir entrer ici. Fraterniser avec vos frères. Kushiriki na bandugu yako. Ce n'est pas comme ça que vous sentez. Aina muina muna unajisikia. Si ce n'est pas comme ça que vous sentez. Kama aina muina muna unajisikia. Alors, assurez-vous que manake pale uko na hakikisho. Il est temps que vous mettiez à prier. Ya kwamba ni wakati upate kuomba. En effet. Kwa kuwa nous sommes dans le dernier jour. Tuko mu wakati ya mwisho. Où la Bible dit. Mule Biblia nasema. Où la Bible nous exhorte. Mule Biblia natusubutisha. Nous devons d'autant plus nous aimer. Tunapashi zaidi kupendana. Voyant s'approcher ces jours. Benye kuona kwamba siku nakaribia. À nous aimer les uns les autres d'un amour chrétien. Tupendane pamoja kwa wengine na mapendo ya Kikristo. D'un amour divin. Na mapendo ya Kimungu. À nous rassembler dans les lieux célestes. Na kukusanyika pali pa mbingu. En Jésus-Christ. Ndani ya Yesu Kristo. Et à nous aimer les uns les autres. Na kupendana pamoja kwa wengine. À ceci. Ya à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Yulu ya hii, bote batajua kwamba mko wanafunzi wangu. Njo vile. Restez étroitement unis. Mubakie kabisa benye kuungana. Si le faire. Kama nduku. Vous pensez qu'il est un peu dans l'erreur. Munawazia semeko katika kosa. Ou la sœur. Wala dada. Est dans l'erreur. Eko katika kosa. Dites. Umwambie. Sema. Useme. Dites. Useme. Seigneur. Mwana. C'est que jamais une racine d'amertume ne pousse à moi. Vous cela l'affectera. Il est à Mugusa. Et cela retirera le Christ de ma vie. Na il est à Mutosha Christ mon maisha yangu. Est-ce que comprenez-vous? Jésus, comment est-ce qu'il va sortir de ta vie? Présence ya Mungu, iko natoka mon maisha. Comment est-ce que la présence de Dieu va se retirer de toi? Wakati uko na entretenir. Le c'est lorsque vous gardez. En toi, les choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Ces acides toxiques de la méchanceté. Il est nisumu ya kuyeyusha ya uchungu ya bubaya. De la jalousie. Bwivu. De la haine. Ya chuki. Tout ça. Bile biote bile. Éloignera immédiatement le Saint-Esprit de vous. Itamutonsha Roho Mtakatifu ndani yako. Tout ça bile. Éloignera immédiatement le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu itakutoka, itatoka ndani yako. Ça le chassera de ce tabernacle. Itamufukuza mwi kanisa. Ça le chassera de ce tabernacle. Bile biote bitamufukuza Roho Mtakatifu mwi kanisa. Ça le fera fuir d'ici. Bitamukimbisha umu. Ça fera, il est mal, comment tu peux entretenir, il est mal. Si nous gardons tous ces états-là, cet aspect, ces Philistins qui nous tiennent là, vale va Philistia, vale va natushika, la médisance, ma shimango, la calomnie, ma singiziano, ma kokotano, les sectes, ma kundi, toutes ces choses, bile bintu biote bile, chassera le Saint-Esprit du milieu de Dieu. Bitamufukuza Roho Mtakatifu katikati. Il le fera partir. Bitamufukuza, bitamtosha. Est-ce que vous comprenez? Eti munaelewa? Ça le chassera de sa tabernacle. Bitamufukuza mu ikanisa. Ça le fera fuir d'ici. Bitamukimbiza umu. Et ça fera de la peine à votre pasteur. Bitamuletea uchungu mateso pastori wenu. Bitamuzunisha pastori wenu. Kama pastori kuna una bintu abiendeke. Sile pastor vale choses qui ne va pas. Il va maigrir. Eko na konda. Il maigrit. Est-ce que vous comprenez? Eti munaelewa? Parce que le couronnement de son ministère, c'est votre vie. Ta mahitaji ya utumishi yake ni maisha yenu. Kama Mungu unafanyakana, si vous faites des bêtises. Wakati kuna wana Mungu naishi kwa muambatane na vile kuna ubiri. Vivre en disordre de ce qu'il vous prêche, il va souffrir, il n'aura plus d'appétit. Asa kwa appétit? Il n'aura plus d'appétit à sa chikanjala. Nous vous parlons de la part de Dieu. Tunamiambia kwa upande wa Mungu. Maintenant, si nous respectons l'ordre biblique de l'église. Sasa kama tunaheshimia usawa wa Biblia ya kanisa. Katika chetu patakuwa mambo. Parmi nous, il n'y aura plus de problèmes. Patakuwa heshima. Il y aura le respect. Patakuwa obéissance. Il y aura utifu. Na foi je peux heshima. Et là où il y a le respect, là il y a utifu. Watanja kutawala. Dieu va régner. Bagonjwa watanja kutoka kwa hôpital banakuya hapa banapata matibabu. Les malades vont commencer à quitter l'hôpital et venir ici pour être guéris. Même si on les impose pas les mains. L'atmosphère qui sera entretenue. L'atmosphère est tout à chunga. Amènera la guérison. Italeta utunzo. Amena. Amina. Tutakuya hapa. Nous viendrons ici. Sawa kanisa. En tant qu'église. Pasteur atasema. Le pasteur parlera. Sinona bulo fo buninja mukanisa. Je vois que l'absentéisme entre dans l'église. En tant qu'église. Tuombe Mungu. Prions Dieu. Apache va faire ma cage. Qui donne aux frères de l'emploi. Qui va permettre vange kuya kushika sauti ya Mungu. Qui va le permettre à venir écouter la parole de Dieu. Mungu atatenda. Nous allons prier, Dieu va agir. Il peut y avoir des problèmes. Una vez kwa mambo. Parce qu'en tant que pasteur. Kwa pastori. Il connaît les problèmes de l'église. Anayo mambo ya kanisa. Parce que mambo yote mnaelekaga nayo. Tout ce que vous avez comme problème. Vous allez les lui soumettre. Akitembee na bushito ya mambo yake. Il marche pas avec. Akitembee na bushito ya mambo ya kanisa. De son problème, mais il marche avec la charge des problèmes de l'église. Est-ce que vous comprenez, mes sœurs? Eti munaelewa banduku. Il peut dire. Anawezi kusema. Comme on avait la prière aujourd'hui. Vile tukua na maombi leo. Je constate que il y a un problème de stérilité ou bien un problème de désavortement. Mimi naona ya kwamba mnakuwa mambo ya butasa wala mambo ya kupomona mamimba. Kanisa Mungu, parce que Satan a l'ennemi yaka. Parce que le Satan s'infiltre. Mais Dieu nous a déjà donné la promesse. Alakini Mungu anaisho tupatia mabako. Les méchants. Mubaya. Ne résisteront pas. Anawezi kusema. Dans les assemblées de Dieu. Wendelea makanisa batakatifu. Satan anaweza kuingia. Le diable peut se infiltrer. Mais atafanya kazi. Tout de vous pokesha. Il ne fera rien, on va le chasser. Ce qui va les chasser, c'est lorsque nous nous maintenons dans ce que Dieu a dit. On peut avoir un faux frère. Tu n'as besoin d'un truc ou un bongo. Oui, parce que des faux peuvent venir. Dieu va bongo, va nous écouter. Avec l'objectif. La vie fugusio. De courtiser les sœurs. Ya kutongo sabadada. Avec l'objectif. La vie fugusio. De détruire nos filles. Ya kuharibisha babinti. Là il entre ici. Wakati anaingia huko. Là où règne, là où il y a un maintien d'ordre. Pale unachunga usawa. Il ne fera aucun dégât. Aïe, ça fait des kibaya. Il sera conduit. Et il fuira. Kama shetani ndio tuingililia. Donc le diable s'infiltre au milieu. Na yeye unafanya madega. Il fait des dégâts. C'est parce que nous sommes désordonnés. Ni juu tu kuva fujo. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mungu ana Mungu wa fujo. C'est un Dieu d'ordre. Ni Mungu wa usawa. Dans ce message. Na yeye ujumbe. Tu dois ramener l'ordre de Dieu. Na wewe urudisha usawa wa Mungu. Et nous devons obéir à cela. Tunapaswa kuheshimu na kuheshimu. Ici. Hapa. Il n'y a pas deux têtes. Hapana bicho biwili. Ici, apa, il n'y a pas deux visions. Apana ku, maono mbili. Il n'y a même pas trois visions. Apana ta maono tatu. Il n'y a pas trois opinions. Apana ici, il y a une seule vision. Kukupaka ono mais moja. La vision que Dieu a donnée à l'évêque ici. Ni ono ile Mungu alimpatia askofu hapa. Eh, kanisa. Est-ce que l'église... Est-ce que vous comprenez? Eti munaelewa? Shemashi. Diakre. Je ne prêche pas l'ordre. Mishi ubiri mais usawa. Je parle, il y a l'ordre biblique. Niku nasema mambo ya usawa ya Biblia. Urudishwa kwa vitu vyote. Rétablissement de toutes choses. Urudishwa kwa vitu vyote. Hauna na kile wewe unaweza kufanya kenyewe kile pastor asiwezi kukubali. Tu n'as rien à faire ce que le pasteur ne peut pas agréer. Ce que toi tu dois faire, il faut que le pasteur puisse l'agréer. Ne soyons pas comme des Corée et des Datan. Tu sais quoi ça va Corée et Datan? Oh, est-ce qu'il n'y a pas qu'à Moïse? C'est seulement Moïse. Eh, oui. Il n'y a pas qu'à Moïse. C'est seulement Moïse. Il n'y a pas qu'à Moïse. C'est seulement Moïse. Na Mungu mumapuyake. Et Dieu dans son plan. Tout cas, Mungu t'aime bien. Pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Dieu a pris l'esprit de Moïse. Mungu alichugua roho ya Musa. Dieu a pris l'esprit de Moïse. Alichugua roho ya Musa. Par son esprit. Kupitia apana roho yake. Il a pris l'esprit de Moïse. Alichugua roho ya Musa. Il a partagé sur les 70. Anaisambaza yule ya 70. Tous les 70. Mnamna kusema bote makumi saba avec les idées patembe na roya ya kabisa. Oui. Ndio. Moi je suis passager. Mimi ni kumpita njia. Mungu kama nimepatia mtu. Si Dieu vous donne quelqu'un. Kama Mungu alinipatia zawadi. Si Dieu vous a donné les dons. Écoutez-moi église. Munisikie kanisa. Si vous honorez ces dons, kama munaheshimu ile zawadi, vous ne serez jamais confus. Vous ne serez jamais confus. Hey, unaweza kuya na mambo. Il peut venir avec un problème. Hey, zawadi, comme tu honores les dons, anakulamukia tu, anakulamukia tu. Juste le fait de saluer. Inaisha. C'est fini, tu as solution. Hey. Qui avait dit? Nani arsemaka de commencer à étaler les malades. Na bantu asema batandike bagonjwa. Pour que quand Pierre va passer. Dieu wakati Petro atanza kupita. Et que son ombre couvre les malades. Na kimvuri yake kifunike bagonjwa. Que les malades soient guéris. Na bagonjwa wapate kupona. C'est écrit où? Banesho biandika wapi? Bana biandika wapi? On a écrit ça où? Mais le prophète dit ceci. Alakini nabii anasema hivi. Comme ils ont beaucoup plus honoré le don que Dieu leur avait donné, nous avons beaucoup de chaos parce que nous sommes des têtus. Ma soeur, tu n'es pas une brebis galeuse. Mon père, tu n'es pas une brebis galeuse. Retournons à l'ordre. Turudie Musawa. Amen. Amen. Retournons à l'ordre. Turudie Musawa. Maintenons-nous dans l'ordre. Turichunge Musawa. Et si nous nous maintenons dans l'ordre. Kama tunarichunga Musawa. Nous serons toujours attachés à la ligne du surnaturel. Tutakuwa wenye kuambatana paka na kistari ya kitu ya kimungu ya kiroho. Est-ce que c'est clair? Et tibiku wazi. Peut-être vous dites bon, on a fait pas ordre, bana bien jika wapi. Sasa vous parlez, vous ne faites que parler de l'ordre, l'ordre, c'est écrit où? C'est écrit dans la Bible. Bana sio yandika en Biblia. Amen. Le rafraîchissement. Kurudishi kufanya ubaridi. Le rafraîchissement. Ubaridi. Le plein rétablissement. Mambo ya kurudisha mapu. La restauration. Kurudisha vitu pafazi yayo. C'est basé sur ça. Bina yengwa yule yai. Pour terminer. Dieu a kumaliza. Je vais lire en trois endroits. Napenda kusoma pa fazi tatu. Bon, que je ne fasse pas peut-être les commentaires. Nishi fanye ma commentaire. Je vais seulement lire. Tasoma tu bule. Dans les jours à venir, le pasteur pourra toujours faire des commentaires. Umasiku ile takuja pastori atamifasilia. Quand vous lisez dans la grande tragédie. Mukisoma mu grande tragédie. La grande tragédie. Ma tesoma kuma et le plan du salut de Dieu à la lumière du message du temps de la fin. Ah, na mapu ya Mungu kwa kuangalia ujumbe wa Mungu wakati ya mwisho. Le plan du salut à la lumière du message du temps de la fin. Mapu ya wokovu kwa kuangalia nuru ya page 24. Ya ujumbe wakati ya mwisho, karatasi ya 4. Avant le retour de Jésus-Christ. Mbele ya kurudi kwa Yesu Kristo. Dieu veut tout restituer à nouveau dans son église. Mungu anapenda kurudisha vyote mukanisa yake. Et la remettre dans son état originel. Na kubiweka pafazi yayo ile ya kumwanjo. C'est le ainsi dit le Seigneur. Hii ni hivi Bwana anasema. Car il est écrit de notre Seigneur. Kwani Bwana wetu aliandika ya kwamba. Inaandikiwa juu ya Bwana wetu. Imeandikiwa juu ya Bwana wetu ya kwamba. Lequel il faut que le ciel reçoive ule inapashi mbingo impokee jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses kufika na wakati ya kuridhishwa kwa vitu vyote dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes bile Mungu alisema kupitia binywa ya watakatifu yake banabii. C'est dans acte 3:21 ni matendo ya mitume 3:21 et au verset 20 nous est dit. Au verset 20, il nous est dit. Musada makumbili wanasema kwamba. En sorte que vienne des temps de rafraîchissement. Munamna kusema kufike wakati ya ubaridi. Devant la face du Seigneur. Mbele ya uwepo wa Bwana. Et qu'il envoie Jésus-Christ. Napate kumutuma Yesu Kristo. Qui nous a été préordonné. Ule walitangulia kutulaka kutarishia. Il est pleinement clair maintenant. Iku wazi wazi sasa ya kwamba. Premièrement. Kwanza. Je la restauration. Kukuna kuya ni kurudishwa. Et le temps de rafraîchissement. Na wakati ya ubaridi. Et ensuite, na kisha, Jésus revient. Yesu anakuja. Amen. Amina. Premièrement, kwanza, vient la restauration. Kukuna kuya ni kurudisha kwa bitu. Nous devons expérimenter ça. Tunapashi kuyonja. Le temps de rafraîchissement. Wakati ya ubaridi. Ensuite, Jésus revient. Na kisha Yesu anakuja. Amen. Amina. Qu'il en soit ainsi. Ifanike hivi. C'est cela la prédication de tous les conseils de Dieu dans notre temps. Hii ndio mahubiri ya shauri yote ya Mungu mu wakati yetu. C'est la révélation du grand mystère de Christ et de l'Église. Ni ufunuo ya siri munene ya Kristo na ya kanisa. Beaucoup. Bamingi parle du temps de la fin. Bego nasema yuli ya wakati ya mwisho. Et de la deuxième venue de Christ. Na ya kuja kwa pili kwa Kristo. Cependant. Japo. Sans croire. Bila kuamini. La promesse. Malako. Et sans attendre. Na bila kuchunga. Et expérimenter. Na kuonja. La restauration. Kurudishwa. Pour eux. Kwa bobo. Ça sera la plus grande déception qui les attend. Itakuwa ni kukosewa kunene kule kukuna bachunga. Amen. Amina. La deuxième partie. Qui pande ya pili. Le temps de rafraîchissement spirituel. Wakati ya ubaridi ya kiro. Pierre le présente du point de vue prophétique. Petro anayonesha munamuna ya kinabi. Dans le contexte de la restauration. Mumusemeo ya kurudishwa. Non. Restauration. Restitution. Kufaniwa upia. Mais maintenant la restauration. Directement avant la venue de Christ. Mbele ya kuja kwa Kristo. Ceci s'accomplit maintenant. Hii kunatimilika hapa sasa. Ceci s'accomplit maintenant. Hii kunatimilika hapa sasa. Bienheureux tous ceux qui ont part à cela. Wapendwa wenye kushiriki kuile. Le dernier réveil spirituel. Wa mwisho ya kiroho. Et le rafraîchissement promis na ubaridi yenye kulakiwa doivent aller inapashi kuenda et iront du même pas que le plein rétablissement itatembea mwatua moja moja na utele ya kurudishwa le rétablissement de kurudishwa kwa bitu vyote et dans le rétablissement de toutes choses na mukurudishwa kwa bitu vyote il y a l'ordre divin du salut mukusawa ya kimungu ya wokovu et il y a l'ordre biblique de l'église. Na muku usawa ya mbiblia ya kanisa. Quand nous respectons ça. Wakati tunaiheshimu hii. Quand nous nous maintenons dans ça. Wakati tunarichunga mui. Nous nous maintenons dans la présence de Dieu. Tunarichunga ni muwepo wa Mungu. Et nous sommes attachés à la ligne du surnaturel. Na pale njo tunambatana mukisari ya bitu ya kimungu. C'est pourquoi. Njo kwa mana. Il nous est dit encore. Bana tuambia tena. Dans lettre circulaire 59. Mubarua kuzunguka namba 59. Page 8. Kartasi ya munane. Il faut lire le 5 verset précédent où est décrite la situation catastrophique des derniers temps. Inapashi kusoma ima mstari tano ilitanguria. Mule manatonesha ali ya kuharibika ya wakati ya mwisho. La complète apostasie de la vraie foi par les enseignements des démons. Kwacha kwa imani kwa kabisa kabisa kupitia mafundisho ya mademona. Pour comprendre le poids de ces paroles et l'importance de la pure doctrine qui sont notre seule règle de foi. Jua kuelewa buzito bwa neno na mafundisho yetu ya msingi yenye kuwa msingi ya imani yetu. Page 9. Kartasi ya 9. À la fin. Mwisho. Une nouvelle période commença. Kipande mupya inanza. D'abord. Kwanza. Comme un temps de transition. Sawa wakati tu ya kupitia hapo. Iya. Kuko. Un ordre biblique de l'église. Usawa ya mbiblia ya kanisa. Dans lequel les ministères sont établis. Mule mautumishi banaiweka. Pour l'édification de l'église. Jia kujengwa kwa kanisa. Et. Na. Il y a un ordre de salut. Kuku usawa ya wokovu. Dans lequel arrive ce qui appartient au plan du salut. Mule muku nafika yenye kuambatana na mapu ya wokovu. Si nous ne respectons pas ça. Kama tuyeshimu. Si nous ne nous maintenons pas dans ça. Kama aturichunge na kubakiria mwii. Banduku na badada. On va parler de Dieu. Tutasema yuli ya Mungu. Mais on ne l'expérimentera pas. Alakini atutamuonja. Et pourquoi dans notre doctrine nous croyons ceci. Kwa maana mafundisho yetu ya msingi tunaamini hivi. page 9. Kartasi ya tisa. Nous croyons à l'interprétation de la Bible. Tunaamini kutafsiri kwa Biblia. Conformément au message biblique du temps de la fin. Kufuatana na ujumbe ya Biblia ya wakati ya mwisho. Que Dieu a confié à son serviteur. Ile Mungu alimpatia mtumishi wake. William Marion Branham. William Marion Branham. C'est ce que nous croyons. Ndio kile tunaamini. Amen. Nous croyons aussi que tunaamini tena ya kwamba il y a un ordre biblique de l'église. Kuku usawa ya Biblia ya kanisa. Dans lequel les ministères sont établis pour l'édification de l'église. Mule mautumishi bariweka juu ya kujenga kwa kanisa. Et un ordre de salut divin. Na usawa ya okovu ya kimungu. Dans lequel arrive ce qui appartient au plan du salut. Mule muku nafika venye ku kuambatana na mapu ya okovu. Kuku l'église pousse. Tunaamini kwamba kanisa bibi harusi. Vit maintenant dans cet ordre de salut. Unaishi sasa mwi usawa. Alléluia. Amen. Nous croyons que tunaamini ya kwamba l'église pousse. Kanisa bibi harusi. Vit maintenant. Unaishi sasa. Dans cet ordre de salut divin. Mwi usawa ya okovu ya kimungu. De la dernière partie du temps de la grâce. Ya kipande ya mwisho ya kipande ya neema. Manake. Après le ministère prophétique. Kisha unabii ya unabii. Devrait suivre le ministère d'enseignement. Unapaswa kufuata utumishi wa kimungu. Dans le but. Kifukuzia. L'achèvement. Nikumalizika. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Munaelewa? Pour maintenir. Juu ya kuchunga. La présence de Dieu. Uwepo wa Mungu. Dans ta vie. Maisha yako. Dans ton foyer. Munyumba yako. Dans tes activités. Makazi yako. Maintiens-toi. Urichunge. Maintiens-toi. Urichunge. Dans l'ordre divin du salut. Usawa ya kimungu. Ma soeur, mon frère, tu n'as pas droit de vivre n'importe comment. Tu n'as pas droit de marcher n'importe comment. Tu n'as pas droit d'aller n'importe où. Tu n'as pas droit de te comporter n'importe comment. Tu n'as pas droit de faire cela. Tu es l'élu de Dieu. Huku mteule ya Mungu. Et aujourd'hui, sasa leo, nous vivons dans la présence de Dieu. Tukunaishi muwepo wa Mungu. Et dans la présence de Dieu. Na muwepo wa Mungu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Est-ce que vous aimez notre pasteur? Est-ce que vous aimez notre pasteur wenu? Est-ce que vous aimez notre pasteur? Est-ce que vous aimez notre pasteur wetu? Je vais voir les mains. Mina penda nione mikono. Merci. Asanti. Je vous remets là. Nakwachia mimbari.